Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième saison de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est toujours Hugo, je suis toujours avec Maxime. Toujours bonjour. Et je suis toujours avec Exerve. Mais comme je suis dernier, à chaque fois, je peux pas faire la blague que Maxime, ben non, parce qu'on a la même idée. Bonjour tout le monde. Bon, on est très très heureux de vous retrouver, ça y est, c'est reparti, on prend le vrai rythme. Deux épisodes par mois de Fin du Game. Qu'est-ce que ça veut dire aller au bout des jeux? Vous vous posez peut-être la question? Eh bien, c'est d'abord les recontextualiser, voilà, raconter les origines, d'où, qui sont les gens qui ont créé ces jeux, eh bien, on vous le dit. Et puis, ben voilà, on spoil aussi, on va au bout de l'histoire, et puis des mécaniques, on fait des analyses critiques, voilà, c'est cette émission. Mais bon, je vais pas faire comme si vous la découvriez avec cet épisode, mais peut-être est-ce le cas. Et si c'est le cas, bah dans ce cas-là, vous pouvez dès à présent nous soutenir sur Patreon. T'as vu ça? Yeah, voilà. Moi aussi, je suis capable de faire des transitions. Mais bah, je n'en doute pas. Non, mais j'ai appris des meilleurs. Je peux dire, rendons à César qui appartient ouais, à Hugo. Ça fait 150 ans qu'il est sur Internet à faire des saluts à tous. Et ça commence toute la quatrième saison. Déjà 6 cases de bingo qui sont cochées. C'est bien. Oui, effectivement, le Patreon, c'est le bon moment. Voilà, cette rentrée, c'est toujours le bon moment. De toute façon, pour nous soutenir sur Patreon, 1 euro, 2 euros. Une carte bleue, un compte PayPal, tout fonctionne. Vous pouvez faire mensuel, une fois par épisode, vous faites vraiment comme vous voulez. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir nous donner le temps de faire les jeux, et oui, pour y jouer. Moi, ça y est, j'ai fini par accepter la réalité. Je me suis mis une heure par jour en semaine pour jouer aux jeux de Fin du Game dans mon planning de travail, tu vois. Parce que l'année dernière, après, je jouais qu'aux jeux de Fin du Game, j'en avais marre, donc je me suis dit, il y a les heures pour Fin du Game et les heures pour les autres jeux, parce ouais, que sinon, j'ai fait on pareil, s'en sort moi, pas. Depuis cet été, j'ai réorganisé un peu mes semaines, alors c'est pas une heure par jour, mais genre, je me dis, aujourd'hui, c'est ma journée Fin du Game, aujourd'hui, c'est ma journée ceci, ma journée cela. C'est vrai que c'est pratique, du coup, de prendre du temps, bah, juste en se disant, c'est bon, cette semaine, je peux faire ça, et ça ne me fait pas perdre bah, mon loyer ou ce qu'il y a dans mon frigo. Exactement, et puis moi, mon planning est rempli, hein, parce qu'on vous a préparé un gros programme, évidemment. Incroyable. Incroyable. Là, vraiment, là, ça commence très très fort, il faut le dire. Donc voilà, merci évidemment si vous choisissez eh bien, de nous soutenir sur Patreon, et puis merci si vous êtes là depuis un moment, parce que voilà, vous êtes plus de 500 à nous soutenir, je crois, sur Patreon, c'est énorme. Merci énormément de nous permettre de faire cette émission. On remercie également Third Edition. Mais qui sont ces gens? Vous ne le savez pas? Eh bien, c'est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, effectivement, ils font tout. Ils font du jeu vidéo, de la pop culture, de la bande dessinée, enfin bref, il y a plein de choses. Mais ce dont on peut vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle sortie, la sortie du livre sur la Wii. J'ai pas noté le sous-titre, désolé. Je crois que c'est parce qu'il doit y avoir un jeu de mots. C'est l'histoire de la Wii, enfin tu vois un truc un peu comme ça. Ah c'est pas mal. Il y a peut-être pas c'est l'histoire, mais je crois qu'il y a l'histoire de la Wii, un truc comme ça. Ça c'est Fourth Edition, c'est la maison d'édition de Maxime. C'est l'histoire de la Wii et il fait que des jeux de mots comme ça, ce truc. Donc voilà le bouquin sur la Wii. C'est vrai que c'était une console qui est vraiment atypique en fait, à la fois au niveau matériel. Hein, on s'en souvient cette espèce de le motion gaming. Rappelez-vous. Mais même si ça perdure toujours finalement avec la Switch, hein, elle a repris un petit peu ce côté d'avoir les deux manettes, mais une petite manette dans chaque main. C'est moins obligatoire du coup. Enfin, c'est moins obligatoire. C'est resté avec la VR, parce que du coup, les principes des manettes avec la VR, c'est globalement ce qu'il y avait déjà dans l'idée avec la Wii. Quoi. Et puis même, voilà, une console qui était unique de par sa stratégie, vraiment d'aller chercher un public beaucoup plus large. Ça a marché, après ça a moins marché, à la fin, bref, voilà, c'est l'histoire de la Wii. Ah, tu vois, ouais, je peux pas m'empêcher, c'est vrai que ça marche bien. Le cycle éternel. Donc voilà, vous pouvez découvrir ça chez Third, donc ils sponsorisent Fin du Game depuis quasiment le début. Quasiment le début, je crois. Le lancement du Patreon, je crois, si je dis c'est pas c'est arrivé bêtises, quasiment de manière concomitante. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. 3 points contre triple. 3 points pour Gryffondor. Très bien, on a dit tout ça. Aujourd'hui, eh bien, pour commencer cette quatrième saison, on attaque avec un jeu de la Blacklist. Vous le savez, la saison dernière, on vous a donné l'opportunité de voter, de choisir parmi une douzaine de jeux. Il y en a 4 qui sont ressortis et que nous allons donc devoir aborder dans l'émission. Le premier, on a décidé d'attaquer avec Deus Ex, qui était dans la Blacklist de Maxime. Alors, oui. Pourquoi on a choisi lui en premier? Eh bien, c'est parce que c'est celui qui avait le plus de votes, qui avait fait le plus l'unanimité. Pardon. Normal. Voilà. Mais pourquoi, Maxime, pourquoi était-ce dans ta blacklist? Bah, moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué. J'ai dû y jouer. Alors, la toute première fois, je devais avoir entre 8 et 10 ans. J'ai pas tout compris. Je suis pas allé au bout. Et puis, j'y ai rejoué quand j'étais ado. Donc, plutôt vers 12, 13 ans dans ces eaux-là. Et oui, c'est un jeu que j'avais adoré, qui m'avait beaucoup marqué. Et On le rappelle, les jeux qu'on met dans la blacklist, en général, c'est aussi des jeux que veulent pas forcément faire les autres. Et je sais que, bah, et je comprends tout à fait, des gens sur le Discord ont essayé de jouer à Deus Ex en vrai. 2021, ne sont pas allés au bout non plus. Et voilà, pour convaincre Hugo de jouer un jour dans sa vie à Deus Ex, bah, fallait lui dire, bah voilà, tu seras payé pour. Bah, toi, Benoît, toi, tu l'as Moi, je l'avais fait à l'époque, ouais, c'est vrai que j'avais déjà fait Deus Ex à l'époque, j'avais même joué au 2 et je fais partie des 3 personnes au monde qui aiment bien le 2. Mais là, typiquement, c'est vrai qu'il rejouait maintenant. Heureusement qu'il y a des mods et des trucs parce que c'est vrai que c'est quand même un peu rude. Hein. Ah, moi, j'ai voulu prendre l'expérience, la full expérience année 2000, j'ai mis aucun mod, rien du tout. Et bah, alors, je l'avais déjà acheté depuis longtemps sur Steam à 3,74€, puisque oui, globalement, bon, c'est le prix dès qu'il est soldé. Mais voilà, effectivement, je pense qu'il était sur dans ma bibliothèque au tréfonds. J'ai fait, allez, c'est bon, je vais prendre le temps de faire des moments. C'est ton moment, JC. Exactement, JC Denton, on est ensemble. Et on va pouvoir donc commencer ce nouvel épisode. On a choisi le générique. Oui. On hésite encore, mais oui. On hésite encore, mais il y aura générique. En fait, au moment où vous nous entendez dire ça, le générique a déjà été choisi grâce à la magie du temps. Il y a eu une proposition sur le Discord de mettre une autre musique, du coup, à la fin de l'épisode qui terminerait en fait. Oui, c'est vrai que ça avait été suggéré. Ça a été suggéré. Je crois que c'est Alice qui a suggéré ça. Forcément une mauvaise idée. Et ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'on le fera cet épisode ? Peut-être. Alice, donne-nous sur le Patreon. Le nouveau palier à 12 000 euros par épisode. Et en plus, alors on me dit que voilà, merci Alice. Bah peut-être qu'on fera ça pour cet épisode, on verra. Et on peut se lancer directement après ça. Alors, Deus Ex, c'est sorti le 23 juin 2000 sur PC, sur computer, personal computer. Ça sortira aussi 2 ans plus tard sur PlayStation 2. Il y a un portage qui... On n'en parlera pas. Voilà, on va considérer pas que ça n'existe pas, mais un peu quand même. Mais avant de parler du jeu en tant que tel, on va parler de son créateur, Warren Spector. Et notamment parce que c'est assez intéressant, c'est le premier jeu pour lequel il sera vraiment director, il sera vraiment à la tête du projet, alors qu'avant, historiquement, c'est un producteur. C'est ça, on va revenir encore un petit peu plus en arrière aux origines de Spector, qui lui, à la base, donc, bossait dans le milieu du jeu de rôle papier, et un peu monté les échelons, je crois que qu'à la base, il était rédacteur dans un magazine spécialisé jeu de rôle, qui se trouve appartenait à une boîte qui faisait aussi du jeu de rôle à côté. Hein, on se doute que peut-être qu'il parlait de certains jeux plus que d'autres. Et donc, il s'est retrouvé à être producteur dans ce milieu-là. Et il a déjà participé à des conférences. Enfin, il était invité régulièrement à des conférences, des choses, que ce soit des trucs plutôt juste science-fiction ou des choses plus spécialisées, peut-être jeux de rôle. Et il y a rencontré notamment là-bas Richard Garriott, qui est connu pour être le créateur d'Ultima. C'est au tout début des années 80, je crois. On a noté, oui, 81, Ultima, ouais. Le premier, ouais, ouais. Ultima, donc jeu de rôle occidental. C'est ça, sur PC, ouais. assez connu en tout cas dans ces milieux-là, hein, forcément. Ils discutent ensemble, ils s'entendent bien. One Spector découvre que ouais, le jeu vidéo, bah, c'est aussi un avenir, hein, c'est un avenir du jeu de rôle, où lui sentait qu'il tournait un petit peu en rond, hein, même s'il aime bien toujours cet univers. Et donc un jour, bah, Richard Garriott l'appelle pour bosser donc, à son studio Origin, pour bosser, je crois que c'est Ultima 6, il ouais, me semble, tout à fait, le premier, 6, ouais. Ouais. Premier jeu sur lequel il va bosser. Du coup, en tant que producteur, et c'est quoi un producteur, tiens, qu'est-ce que c'est, monsieur Serve, vous qui connaissez toutes les ramifications de l'industrie? Eh bien écoute Fred, c'est très très simple, le producteur dans le jeu vidéo c'est plutôt un chef de projet, c'est-à-dire que dans le cinéma on est plutôt les gens qui donnent de la thune, on va avoir ce genre de choses-là. Dans le jeu vidéo on parle de producteur, c'est plutôt des chefs de projet, c'est des gens qui peuvent gérer des choses aussi terre-à-terre que le nombre de gens qu'on va attribuer à une équipe à tel et tel moment, gérer les plannings, gérer les milestones, gérer vraiment le projet en tant que tel. C'est un rôle qui est assez crucial en fait dans la création d'un jeu, parce que c'est les gens qui sont responsables du travail que vous allez faire au quotidien, et donc en gros voilà, c'est cette idée d'être un peu dans le recul. On n'est pas forcé, ça veut pas dire qu'il a pas les mains dans le cambouis, qu'il a pas des décisions à prendre ou même un poids même sur certaines décisions de design, mais à l'inverse le réalisateur, donc le creative director, c'est vraiment la personne qui est en charge des décisions de design, d'esthétique, de gameplay, etc., et qui doit donner en gros son aval aux différentes équipes. C'est un métier un peu ambivalent en fait, hein, de ouais. producteur, à la fois un pied dans le business mais aussi dans le développement, donc c'est le pont un petit peu entre les exigences de planning des éditeurs, etc., et faire que le projet se déroule sans accroc. Et comme vous le savez, dans le jeu vidéo ça se passe toujours sans accroc. Ça se passe toujours très bien, hein, d'ailleurs les gens travaillent 35 heures par jour. Et donc c'est ce que Warren Spector va continuer à faire pendant une bonne partie des années 80-90. Ouais, comme on l'a dit, il va bosser sur Ultima, il va bosser sur Ultima Underworld qui sort en 92 et qui est connu comme étant la licence Ultima mais à la première personne, et comme étant, on y reviendra peut-être plus tard, mais sur la base de l'immersive sim, ce qu'on appellera l'immersive simulation. On en a déjà parlé dans l'épisode pré et ou BioShock. On a déjà parlé un petit peu de ce sous-genre, mais on reviendra un petit peu là-dessus. Il bosse aussi sur Wing Commander, entre autres. Et puis, en 94, il a une petite idée de projet, de jeu qui naît dans sa tête, qu'il aimerait bien appeler Troubleshooter, où on incarnerait un ancien agent de la CIA qui devient un flic, enfin un truc film noir, quoi, en gros. Il pitch ça passe pas, ok, il le garde dans un coin de sa tête. La vie fait qu'il quitte Origin, j'ai oublié les détails, hein, mais il y a des histoires un peu où Origin appartient à EA, enfin ça se passe pas toujours très bien, parfois il va switcher, là il va chez Looking Glass, qui est un autre studio qui appartient aussi à EA, il sera producteur du coup sur System Shock, un autre jeu cyberpunk assez connu, et le 2 d'ailleurs, sur lequel il bossera pas, mais sortira en 99, et System Shock 2 est très connu aussi pour être un jeu cyberpunk emblématique. Pendant qu'il est chez Looking Glass, il verra aussi le projet Thief, qui sortira en 98, donc un jeu d'infiltration, aussi Immersive Sim. Dark Project. Et Dark Project. Où on joue donc à un voleur avec des flèches qui font de la mousse et qui font de l'eau et qui permettent de s'infiltrer dans des châteaux pour voler des rubis. Il n'y avait pas autant de trucs, il y avait des trucs comme ça. Mais c'est vraiment à partir du 2 où ils ont commencé à aller dans tous les sens avec les flèches. Mais oui, ça reste de l'infiltration avec notre ami Garrett. C'est ça. Et sauf que lui, donc il joue à Thief et il a une frustration, il dit j'aimerais bien quand même me bagarrer, tu vois, j'ai pas juste envie de m'infiltrer, parce que dans Thief ce qui fait que c'est un jeu d'infiltration, donc non seulement il y a des mécaniques pour éteindre les lumières, faire du son, mais on est nul en fait au combat, donc ça, le jeu nous incite vraiment à nous infiltrer, et lui il aime pas ça, tu vois, il aimerait bien se bagarrer, mais bon il est d'accord pour dire que oui, ok, le jeu c'est un jeu d'infiltration, donc ça sert à rien de faire la bagarre, de toute façon il va bosser sur d'autres jeux. Il part de Looking Glass, donc fin des années 90, je dirais bien entre 95 et 96. Oui, ça doit être 96, ça doit être entre 80. Il va signer parce que je crois que Looking Glass connaît des soucis commerciaux, ils n'ont plus beaucoup de budget et tout, et du coup, il part, il accepte de partir et de signer un RPG Command & Conquer chez EA, toujours, puisqu'il a, il a les contacts. Et pour la petite histoire, il était sur le point de signer, alors pas le contrat fatidique, mais un des contrats, un des papiers. Et là, j'imagine la scène vraiment... de mariage, genre, c'est qui ça. S'oppose ? Je m'oppose ! Et là, c'est John Romero qui c'est apparaît. Ça. Il y a potentiellement un petit storytelling autour, mais voilà, il y a un coup de fil. C'est John Romero qui lui dit, ah, tiens, tu veux pas faire un jeu pour moi ? Parce que, donc, qui est John Romero ? Oui, peut-être prévu. C'est voilà. Un des co-créateurs de Doom. Donc, succès planétaire. Doom et qui est devenu Quake, donc il y a eu Doom 2, autre succès planétaire, et Quake, gros succès aussi. Il a dû partir vers Quake, je dirais. Ouais, quand, en gros, quand id Software commence vraiment à se consolider autour de Quake, il part en fait, il prend dans son. Et il commence du coup à nous parler de Daikatana, un des grands vaporware de l'histoire du JV. Il y a eu des différends entre les membres historiques et John Romero qui du coup se barre avec ses millions de dollars et il va fonder Iron Storm, donc un studio où il va faire les jeux qu'il a envie de faire, le fameux Daikatana. Un autre jeu, c'était Anachronox. J'oublie toujours. On s'est moqué assez de ce nom hier. Ouais, pour un nom qui est déjà kitsch. Et ben moi, j'aimais bien. Ouais, sûrement. Ouais. Ah, mais j'ai pas touché au jeu, donc peut-être que c'est très bien. Et il décide de faire un troisième jeu. Il décide de financer un troisième jeu. Il contacte Warren Spector et il lui dit un truc qu'on ne peut pas refuser, évidemment. Il lui dit, bah, t'auras budget illimité. Tu fais le jeu que tu veux. On te laisse tranquille. Voilà. Donc, forcément, Warren Spector, il dit, bah, ok. ouais, évidemment. Plutôt qu'un RPG sur Command & Conquer, c'est vrai que c'est un petit peu plus sexy quand même de faire le jeu de ta vie, sachant que Warren Spector, il a déjà 40, enfin autour, il a 45 ans en fait quand Deus Ex sort. Oui, il a une bonne carrière à ce moment-là déjà. Ouais, c'est un peu un vieux de la vieille hein, pour le coup. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que lui maintenant c'est vraiment un ancien, mais il a une, en fait quand il arrive sur Deus Ex, il a déjà une belle carrière derrière lui, il a déjà fait beaucoup de choses et donc voilà, il arrive à une certaine maturité. Forcément, j'imagine qu'à quand t'as 42, 43 ans, tu te dis ça y est, tu peux faire le projet de ta vie avec les moyens que tu veux. Il se dit bon. Surtout qu'il a eu beaucoup de changements de carrière, enfin pas de carrière. Mais d'entreprise, tu sais, dans sa carrière, justement, il y a eu quand même beaucoup de trucs avec des studios qui ferment, des projets qui sont refusés, etc. Donc, je pense que le jour où tu as quelqu'un qui te dit voici mon carnet de chèques, bisous, ou ma carte bleue pour parler aux plus jeunes d'entre nous, forcément, tu dis oui parce que derrière, tu as la liberté totale, quoi. Et du coup, bah, il ressort de son esprit le fameux Troubleshooter, le jeu, et il deviendra, comme on l'a dit, il sera pas seulement producteur, il sera aussi creative director. C'est lui qui va donner les idées et il va appeler, du coup, il va former un peu sa petite dream team, des gens avec qui il a déjà eu l'occasion de bosser. Un nom qu'on va retenir, évidemment, c'est Harvey Smith. Je crois qu'il avait bossé avec lui sur System Shock. Il était chez Looking Glass. Ouais. Et je crois qu'il était QA peut-être à l'époque de System Shock, enfin bref. Ils ont bossé sur d'autres jeux hein, depuis, il me semble. Harvey Smith, qui est devenu par la suite co-director chez Arkane, qui a bossé sur Dishonored et qui bosse d'ailleurs, qui a fait Dishonored 2 de son côté et qui bosse maintenant sur Redfall, il me semble, donc l'Arkane multijoueur. C'est là. Ça. Et qui, du coup, sur Deus Ex, c'était designer, qui passait lead designer. Lead je crois, designer, je crois ouais. Qu'il avait commencé en level design d'accord, un petit peu au début et est devenu lead designer. Et qui sera le director sur Deus Ex 2, du coup, Invisible War. Et si jamais on en profite pour vous redire une nouvelle fois, n'hésitez pas à réécouter nos épisodes où on parle soit de Prey, soit de Bioshock, puisque du coup, comme c'est un tout petit milieu, hein, c'est vraiment un petit microcosme, les gens qui kiffent l'immersive sim et qui en font encore aujourd'hui, puisque c'est toujours quasiment les mêmes qui sont là-dessus. Petite famille, hein, c'est une toute petite famille, ça vous permettra peut-être voilà, de faire des ponts entre les différents projets. Bah, par exemple, sur Prey, on l'avait peut-être cité, mais il y avait Ricardo Baer qui bossait dessus. Ricardo Baer a bossé sur Deus Ex. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite famille. L'intention de base vraiment avec Deus Ex, c'est de faire un mash-up des genres. C'était vraiment ça son ambition, de faire à la fois un shooter, mais aussi un jeu de rôle et aussi un jeu d'aventure. Il voulait vraiment mélanger ces trois genres qui étaient habituellement assez distincts. Surtout, voilà, le FPS, le RPG, c'était pas forcément des choses qu'on connaissait énormément. Alors, il y avait des prémices quand même de ça, un petit peu dans System Shock. Hein. Il y avait déjà quand même quelques petites notions là-dessus. Mais par contre, il n'y avait pas du tout les aspects infiltration, etc., qui va aussi vraiment implémenter dans le jeu. Donc, c'était ça son bébé. De faire ce grand mélange-là. Ouais, c'était extrêmement ambitieux, hein, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, le pic du FPS, c'est Half-Life. Et Half-Life, on en avait parlé dans l'épisode, sa grosse nouveauté, c'était d'inclure un peu plus d'histoire, un peu plus de liberté. Là, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de mélanger des styles de jeu qui n'ont rien à voir, de faire plein de propositions de gameplay différentes et de laisser le choix aux gens. Et de toute façon, ils le citent, leurs influences, donc c'est Half-Life, Thief... et System Shock. Alors ils disent le 2, ce qui en termes de date paraît un peu compliqué, mais potentiellement ils connaissaient, comme on dit, c'est un petit milieu. Il y en a qui avaient bossé sur le premier déjà, donc ils étaient peut-être déjà au courant. Donc pas mal de ce qu'ils faisaient sur System Shock 2. Mais ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que comme ils ont pris des extrêmes, comme tu dis, Half-Life c'était la référence du shoot, Thief c'était la référence de l'infiltration à la première personne, et ils avaient, du coup, faire le mix déjà, ouais, c'est compliqué, et de proposer ces deux solutions. C'est pas genre t'as des moments de shoot, t'as des moments d'infiltration, c'est que les deux sont viables la plupart du temps et tu vas choisir. On va revenir en détail là-dessus. Mais du coup, ils avaient une très grosse peur, parce que comme on le dit, c'est qu'en général, t'es toujours incertain quant à la réception de ton jeu. Ils avaient peur d'être comparé à Half-Life sur le shoot, comparé à Thief sur l'infiltration, et qu'on leur dise juste vous êtes un sous-ça, un sous Baldur's Gate sur le RPG, etc. Et en plus, c'est très compliqué de sortir des cases, parce que c'est vrai que la question des genres et des catégorisations de jeux vidéo, ben, c'est toujours un peu difficile de sortir de sa case. Il y a des attentes de la part des certains publics, il y a des habitudes aussi. Les gens, ils sont habitués à jouer à des FPS, ils connaissent Doom, ils connaissent Unreal, ils connaissent etc. Mais c'est peut-être pas forcément les mêmes personnes qui jouent à des jeux de rôle, les Planescape Torment, des choses comme ça. Là, l'idée, c'était quand même de proposer un truc un peu à la croisée de tout ça. Et bon, ça va fonctionner, hein. Vous inquiétez pas, on vous le dit, ça a bien marché. Mais voilà, on peut comprendre que pendant la production, ils avaient pas mal d'inquiétudes. On peut revenir un petit peu aussi sur la genèse de l'univers que va être Deus Ex. Donc le choix de que ça se passe en 2052, c'était un futur, voilà, en 2000 ça commençait à être un futur assez éloigné, mais c'était pas non plus hyper éloigné. Il fallait quand même qu'il y ait un lien avec le monde réel, et de toute façon tout ce qui va faire naître toute cette esthétique là et l'univers du jeu, ça va être des choses bien ancrées dans le réel. Alors, déjà, il y a le pitch de base, c'est faire que toutes les conspirations dont on entendait parler dans les années 2000, elles sont vraies, tout était vrai. Donc les Illuminati, Majestic 12, il y a quoi d'autre, enfin il y a la zone 51, voilà, les aliens, tous les virus qui sont fabriqués par l'État, enfin voilà. Bon, ça c'est ça n'existe plus, heureusement. On est passé à autre chose, nous, aujourd'hui, hein. Il y en a peut-être un ou deux qui sont restés. Le terrorisme aussi, la montée vraiment du terrorisme, ouais. Parce que bon, on est quand même prêt. On est prêt avant le 11 septembre. Avant le 11 septembre 2001. Et il y a ce fun fact qui est quand on arrive, donc la première mission du jeu, on est à Liberty Island et il y a New York en fond derrière. Et il n'y a pas les tours jumelles. Et c'est pas parce qu'ils savaient qu'en 2001 qu'il y avait un problème, c'est qu'en fait ils n'avaient pas cette place pour les mettre ou un truc comme ça. À mon avis, ils savaient. Ils savaient. Nous sachons. Mais en fait, c'est vrai que ça donne au jeu, on commence en plus, il y a le statut de la liberté. Enfin bref, on est à New York, il n'y a plus les... Oui, il y a un morceau qui est par terre. Exactement. Donc voilà, ça, déjà, dès le début, ils ont réussi à mettre le doigt sur des trucs qui, bon, ils ne savaient pas que ça allait être vrai, mais voilà, ils ont déroulé plein de pistes qui étaient en fait les grands délires du moment. Oui, comme souvent, c'est que ce n'était pas forcément des choses ultra mainstream, mais si tu te penches un petit peu sur le sujet, tu trouves assez facilement des choses. Je ne sais plus si on avait parlé, mais on parle souvent, tu vois, de Metal Gear Solid 2, par exemple, avec Kojima, qui a entre guillemets près des trucs, mais non, si à l'époque tu te penchais sur certaines choses, oui, c'est là, tu vois, tu pouvais extrapoler des choses, et voilà, si t'allais voir des travaux de chercheurs, d'essayistes, tu pouvais éventuellement... Oui, puis il y avait déjà toute une littérature, tu vois, de science-fiction, de cyberpunk, il y avait des films, il y avait des jeux de rôle. Du coup, à force, les gens, ils imaginent des trucs, donc c'est, voilà, faut pas s'imaginer que c'est des coïncidences, non, que des coïncidences. Non, mais même la presse un peu spécialisée ou quoi, mais tu vois, le World Trade Center, il y avait déjà eu un attentat avant 2001, tu vois, donc ça sort pas non plus nulle part. Oui, puis des attentats, il y en avait eu dans plein d'endroits du monde. Warren Spector en parle dans une conf où il parle justement du terrorisme, et il dit qu'il y avait déjà, il constatait qu'on en parlait de plus en plus. Et bon, forcément, il y a eu un an après le 11 septembre, mais là, il y a eu un rapport complètement différent au terrorisme, en tout cas un certain rapport dominant. Mais oui, il y avait déjà quelques petits signes. Et puis, il faut pas oublier que c'est l'époque des James Bond, de X-Files aussi, qui cartonne à la télé. C'est vraiment une série quand même assez culte qui a vraiment modelé, en fait, on va dire l'imaginaire collectif autour de cette idée que le gouvernement nous cache des choses, qu'il se passe des trucs dans l'ombre, qu'ils ne nous disent pas tout, que le public ne sait pas, etc. Et que, heureusement, David Duchovny, lui, il sait, il believe. Ce qui nous ramène d'ailleurs un petit peu à Half-Life aussi. Il y avait ce G-Man qui va nettoyer tout l'incident et tout. Donc on était encore un petit peu, c'est vrai, il y avait un petit peu de ça. Men in Black, tu vois, ça fait partie du folklore. Will Smith, le prince de Bel-Air. Et on en reparlera peut-être, mais il y a la notion de surveillance du gouvernement avec le programme Echelon, bon, qui est un vrai truc, tu vois, qui était un vrai truc à l'époque. C'est pas eux qui l'ont inventé, tu vois. Ouais, ils sont allés piocher dans plein de choses et ils les ont toutes matérialisées concrètement dans le jeu. Voilà, en 2052, tout ça, c'est vrai. Et l'idée, c'était de nous faire explorer tout cet univers-là. L'autre importance, c'est l'idée de faire des choix hein, dès la conception, et bon, on reviendra là-dessus tout au long de l'épisode, mais de préparer des niveaux et des possibilités de gameplay qui allaient nous offrir la possibilité de faire des choix, comme dans un jeu de rôle, hein, tout simplement, où le maître du jeu nous demande qu'est-ce que tu veux faire, machin et tout. Il fallait essayer de retrouver ça dans le jeu. Je crois que leur proto, vraiment leur démo, c'était une mission dans la Maison Blanche. Ouais. Ouais, c'est ça, ils avaient recréé la Maison Blanche, et du coup, il y avait une espèce de mission, et c'était leur proto et qui servira un petit peu de matrice à tous les autres niveaux du jeu, puisque chaque niveau, très vite, ils vont faire des démos, des niveaux démos, et c'est par-dessus qu'ils construiront et qu'ils vont polish, ajouter des layers de... Voilà, ça fait partie des méthodes de production qu'ils considèrent qu'était une bonne idée à l'époque, de faire très tôt des protos de tous les niveaux, comme tu as dit, et d'itérer après, même si là où il y a eu un peu le... La petite erreur de leur part, il le dit dans un post-mortem où ils n'ont pas fait ça avec l'IA, par contre avec l'intelligence artificielle qui était un peu à part, qui n'était pas vraiment dans les niveaux, et du coup l'IA c'était in a vacuum, tu vois, en anglais, donc dans du vide, il y avait rien. Elle était isolée, elle était développée en isolement, quoi. En fait, assez tard dans la production, ils se sont mis à implémenter l'IA dans les niveaux, ils les ont fait ah merde, en fait c'est en train d'interagir avec plein de trucs, ça agit pas trop comme on voudrait, et là ils ont perdu du temps pour le coup. Il y avait aussi deux teams de design, ce qui a créé pas mal de petits conflits. Alors il y a un truc très très drôle qu'il raconte dans sa conférence Warren Spector, où justement comme il y avait deux teams de design, ils pouvaient pas donner de hiérarchie, donc ils pouvaient pas appeler une team 1 une team 2, ni une team A ni une team B, et du coup c'était équipe 1 et équipe A, ce qui est quand même très très drôle, je trouve, pour pouvoir tous des winners. Voilà, on est tous des vraiment c'est très américain, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment une anecdote qui est assez rigolo, mais malgré tout ça créera pas mal de conflits, parce que justement ces deux teams de design, elles avaient des philosophies un petit peu différentes. Il y en a une qui était plus fantastique et l'autre c'était un peu plus réaliste, c'est ça? C'est ça, je crois qu'il y en a une, alors je ne sais plus exactement laquelle, mais une qui était plus école origin, tu vois, une autre qui allait tenter d'autres choses, et ça a créé des frictions, mais qui étaient intéressantes, c'est-à-dire que c'était alors Warren ou un autre, peut-être un lead qui devait trancher, mais parfois les deux allaient s'opposer sur une vision du jeu, sur un problème en particulier, et avec une team qui disait on devrait faire plutôt comme ça, l'autre plutôt comme ça, et fallait trancher à chaque fois, fallait prendre une décision, ce qui a sûrement amené justement cet équilibre un peu difficile mais qui tient finalement dans le jeu, on reviendra en détail là-dessus, mais à la fin finalement il a dit bon, c'est trop de bordel, trop de temps à passer dessus, il a fini par faire une team cohérente et il y a quelques gens qui ont dû partir. On a noté un petit peu le budget, c'était 5,5 millions, ce qui était déjà quand même pas dégueulasse à l'époque. C'est beaucoup plus que les jeux sur lesquels ils bossaient avant, en tout cas les Ultima et tout, je crois on était souvent en dessous du million de dollars, quoi. 26 personnes de staff, alors t'as marqué 20 plus 6 c'est 20 en interne et 6 contracteurs. Moi j'ai recopié ce que j'avais vu dans le post-mortem de l'époque. Monsieur a fait les recherches et voilà, on respecte les recherches, avec 6 mois de pré-prod, donc c'est toute cette période justement où ils ont fait des démos, et puis après 28 mois de production concrète, sachant qu'en fait en septembre 99 le jeu était plus ou moins fini, mais par contre ils étaient vraiment pas satisfaits, et du coup c'est Eidos, puisque c'était passé justement chez Eidos, c'est Eidos qui avait récupéré l'édition, leur a donné quand même quasiment un an supplémentaire pour vraiment tout finir. Ce qui, moi, quand j'ai appris ce détail, ça m'a un peu surpris, parce que aujourd'hui, on a l'habitude plutôt de raconter des histoires de jeux vidéo qui se terminent, tu sais, limite dans le mois avant que ça sorte. C'est notamment ce qu'on avait raconté avec Prey, où tout s'était vraiment imbriqué un mois juste avant la sortie. Là, ils ont eu quand même le temps de vraiment polish, de couper aussi pas mal dans l'art. Il y a beaucoup de contenu qui a été coupé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu, il dure, alors, c'est 25-30 heures, on va dire, à peu près, pour faire le jeu. À la louche. Nous, ça nous a trouvé, on a trouvé ça, c'est assez costaud quand même. Pour un, entre guillemets, FPS, c'est long. Beaucoup. Ouais. C'est long. Et vraiment, en termes de rythme aussi, je pense pas qu'il aurait fallu plus. On pourrait peut-être éventuellement cutter encore ici et là. Mais bon, ça, c'est vrai pour tous les jeux. Même si à l'époque, évidemment, durée de vie. Ah c'était trop court. Un peu court. Sorti sur les archives, je suis retombé sur le test de Joystick. Du coup, c'était Fishbone à l'époque qui l'avait testé. Et en gros, dans les points négatifs, parce qu'il avait, quand même adoré le jeu, il disait que c'était un peu court, quoi. Voilà, donc c'est dommage. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est vraiment l'histoire de contexte, de dire que pendant très longtemps, la durée de vie, on l'a déjà dit, c'était un argument. Hein. T'arrivais avec ton jeu, tu disais, il fait 18 CD, incroyable, c'est le meilleur jeu de l'univers, tu vois. Il y avait le fameux jeu X-Files avec toutes ses VOD qui étaient sur 10 CD. Alors, il n'était pas forcément très long, mais c'était des arguments de vente comme un autre, en fait. Le jeu sort donc on l'a dit, en 2000, la réception, on a commencé à parler, elle sera très, très, très, très positive. Alors, sur Metacritic, on est à 90, mais bon, il n'y a que quelques reviews. Je pense, voilà, Metacritic ne prenait peut-être pas tout ce qu'elle prend aujourd'hui. De toute façon, Metacritic, pré-année 2007, ouais, 2008, ouais. Déjà, de base, ce n'est pas forcément utile de trop s'appuyer dessus, pas de prendre ça voilà, au pied de la lettre. C'est juste pour vous donner une estimation, mais surtout pour les anciens, étant donné que c'est beaucoup de tests papier à l'époque, ouais. Ils n'ont pas forcément fait le travail a posteriori, quoi. Mais en tout cas, voilà, jeu qui est très très bien reçu, qui même en termes de vente, alors ça s'est pas énormément vendu, c'est 1 million d'exemplaires, c'était en 2009 je crois qu'ils annonçaient ouais. Qu'ils avaient vendu un peu plus d'1 million, donc voilà, en une petite dizaine d'années c'est 1 million, donc c'est pas beaucoup, mais en fait par rapport au budget qu'ils avaient et aux ambitions que pouvait avoir Aeon Storm avec ce projet, ils étaient quand même plutôt satisfaits, en plus du truc critique. Quoi. Oui, c'est un succès, comme tu as dit, c'est pas, alors je sais plus combien de ventes a fait Half-Life par exemple, mais a priori c'était quand même un petit peu plus. Et on en reparlera aussi, mais c'est que l'immersive sim a jamais été un genre qui cartonne de ouais. Fou, tu vois. De sexe, populaire. C'est, à l'époque, c'est compliqué de comparer aussi aujourd'hui, parce que les jeux qui coûtent beaucoup plus cher, du coup, il faut qu'ils fassent beaucoup plus de ventes. Mais à l'époque, c'est déjà beaucoup, tu vois, pour un Deus Ex. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, bon, il y avait de quoi financer un 2, tu vois. Ouais, Daikatana oui, 2, on l'a pas eu, tu vois. Oui, bah c'est vrai qu'à côté de ça, enfin, Aeon Storm, sur les 3 jeux qu'ils ont balancés, dont Daikatana, Anachronox et Deus Ex, c'est Deus Ex qui, aujourd'hui, est peut-être le seul qu'on peut retenir, parce que bon, Daikatana. Ouais, bon, bah ça c'est du Vaporware, donc ouais. C'est un jeu qui, voilà, il a eu des années de retard, ça, c'était nul à l'arrivée. Anachronox est sorti, c'est juste que c'était, bah, voilà, c'est un petit RPG, un petit peu... Si vous avez, un jour vous vous ennuyez, vous avez pas de trucs, pourquoi pas. Je sais que Gotoze, il y avait rejoué, là, il y a pas... Il y a pas trop de jeux, faut dire, en ce moment, il y a pas beaucoup de jeux qui sortent. Donc, si vous vous ennuyez, allez vers Anachronox, vraiment, je pense que c'est vraiment dans votre bucket non, voilà. List. Quand on se remet dans le truc de l'époque et qu'on tombait sur des sites de téléchargement et il y avait Anachronox par hasard. Tu vois, en glissant, bouffe, il se retrouvait sur ton ordinateur. C'était pas si mal. Très bien, on a fait le tour, je crois, de la création. On va pouvoir continuer à dérouler notre petit chemin de fer que vous connaissez. On va rentrer dans l'histoire et là, tout de suite, on rentre dans l'actualité. Pandémie. Bienvenue. Alors, ça fait combien de fois qu'on parle de jeu où il se passe un truc comme ça? Mais c'est ça, un bon pitch pour du on jeu. On avait fait Plague Tale, on avait fait... Oh là là. Les maladies, c'est vachement bien pour créer des conflits, hein. Moi, je ne sais pas, mais du coup, on est en pleine pandémie, une pandémie, alors non pas de Covid-19, ni de Covid-52, c'est pas le Covid-52, ça s'appelle la Grey Death, donc la mort grise, qu'une espèce de peste infâme, oui, voilà, qui circule, et qui ravage le monde, et il y a un vaccin, ils ont déjà développé le vaccin, ils n'ont plus besoin de mettre des masques, le vaccin s'appelle l'Ambroisie, et il est réservé en fait à l'élite du monde, parce que c'est un vaccin qui est très, très, très cher. Et oui, ils n'ont pas de sécurité sociale, malheureusement. Et ce vaccin, il est distribué, enfin, la gestion est confiée à l'UNATCO, qui est une branche antiterroriste du gouvernement. Nous, on va incarner J.C. Denton, qui est donc un agent nanomodifié, je ne sais pas si augmenté. Ça se dit. Un agent augmenté grâce aux nanotechnologies. On est la nouvelle génération, puisqu'il y a une ancienne génération plus de cyborgs, hein, de mi-hommes, mi-robots. Et nous, physiquement, ça ne se voit quasiment pas. Design voilà, beaucoup on plus est élégant. Plus fort, bah oui. Plus aérodynamique, on voit dans le noir, on peut porter des lunettes de soleil même quand pour seulement 99 francs, un J.C. Denton est offert pour l'achat d'un Paul Denton. Et on a donc notre première mission, on est envoyé sur le terrain... à donc Liberty Island, l'île où il y a la statue de la liberté, puisque une cargaison d'Ambroisie, qui est ouais, le nom le vaccin. Du vaccin, a été détournée par les NSF, qui est donc une organisation entre guillemets terroriste aux yeux du gouvernement, qui elle veut redistribuer le vaccin au peuple, hein, tout simplement, le fait qu'il ne soit pas réservé aux dirigeants. Les salauds. C'est très difficile de ne pas faire des tonnes de parallèles avec ce qui se passe en ce oui, moment. Vraiment. Croyez-nous qu'on fait beaucoup d'efforts. J'avoue que quand j'ai lancé le jeu et que ça commence sur de rire. La pandémie, j'étais ok, super, allez. On est reparti. Et nickel. En plus, ils te parlent de vaccin, ils te disent on va pas le donner au peuple, c'est bon, ils peuvent crever et tout. J'étais là, oh là là. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Donc, on va, la première mission, c'est donc de résoudre ce problème, donc de neutraliser le leader de la NSF qui est posté tout en haut de la Statue de la Liberté avec des petits caissons. cartons de vaccins, tout verts, ils sont brillants comme ça. Parce très discret hein, d'ailleurs, de se mettre en haut de la liqueuse. Pas ce moment, non, ils y sont pas, ils ont été envoyés. Ah non, on n'en a pas encore vu, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas tout de suite. Ils ont été envoyés. Là, pour l'instant, voilà, c'était de choper l'info un petit peu où est-ce qu'ils sont pour pouvoir les récupérer plus tard. C'est aussi une mission un peu test, on nous fait tester justement le nouvel agent, voir un petit peu ce qu'il vaut sur le terrain. On a rencontré notre frère, Paul Denton, qui lui aussi est un agent augmenté qui a dû arriver quelques années avant nous. Et dès le début, tu vois, il dit quand même, ah, essaie de tuer le moins de personnes possible, quand même, vas-y doucement, infiltre-toi. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un agent double. Il bosse aussi Kojima. Mais ta gueule. Et, oui. Et on le retrouve donc à une mission où il y avait le chef des NSF dans un avion. Et il est là, et il nous dit, non, mais va lui parler. En fait, il est très convaincant. Voilà, mais on est sauté super. Ah, bah, voilà, oui, il s'est passé. Ah, ouais, bah, oui, voilà. Excuse-moi, ah, je te suis. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui se passent et tout. Oui, puis il y a plein de petites possibilités. En fait, c'est ça, qu'il y a plein de micro-histoires. Et ben, on va venir à un choix justement à un des grands dilemmes du jeu, c'est qu'on discute donc avec ce chef des NSF. Après avoir fait plusieurs missions pour l'UNATCO, encore une fois, de tuer globalement les terroristes et d'essayer de régler des situations, globalement, on a fait quelques missions comme ça. De retrouver l'Ambroisie, en fait, de retrouver où étaient un peu les différentes cargaisons. Oui, voilà, comment circule le vaccin. En gros, ça, c'est le plot du début du jeu, avant justement ce premier grand twist. Et du coup, twist, et on discute avec le chef des NSF, il nous dit un petit peu qu'en fait, c'est des détails du style, nos parents, en fait, nos vrais parents biologiques ont été tués par le gouvernement, et des faux parents, enfin bref, on commence à se dire, oula, il y a de la conspiration, des trucs, et là débarque une agente qu'on a déjà rencontrée, Anna Navarre, donc une de ces fameuses cyborgs, et elle nous demande de tuer donc la cible, c'est notre mission à la base, mais du coup on est déjà tiraillé entre Paul, notre frère, et donc notre mission de tuer, elle débarque, elle dit non mais tue-le maintenant, et il continue de parler, et du coup t'as le choix entre continuer de l'écouter, et elle finira par l'abattre, par le tuer directement, quand elle nous demande de le faire, ou on se rend compte qu'on peut la tuer, elle, si on veut continuer à l'écouter et directement passer chez les NSF. Bon, concrètement, ça donne pas 1000 embranchements, ça va quand même se resserrer pour donner la même chose, hein. Comme dit, il y a des petits détails, des petites choses, on retrouvera ou pas Anna Navarre après, mais l'idée c'est que on rejoint les NSF, on a été convaincus par notre frère, par le chef, les infos qu'on a reçues. On va plus tard du coup retrouver Paul, faire des petites missions pour lui, pour aider les NSF. On aura ensuite le choix entre laisser Paul mourir lors d'un raid de l'UNATCO ou rester l'aider et le sauver. Encore une fois, c'est un choix, mais les conséquences ça va pas avoir un impact énorme sur le jeu. Hein. Globalement, c'est on verra Paul ou pas plus tard, mais on reviendra aussi à ces notions de choix et de conséquences. On se retrouve en prison, parce que l'UNATCO finit par nous capturer. On s'échappe grâce à une IA un petit peu mystérieuse. On découvre que en fait cette prison appartient au Majestic 12, une organisation secrète qui dirige non seulement l'UNATCO, mais en fait tout le gouvernement. Cette prison, c'est pratique, elle donne sur le QG de l'UNATCO qu'on connaissait bien. On sort, on arrive, hop, on est dans le bureau des agents. On fait, ah ouais, je reconnais, en fait, c'est la maison. C'était la porte où il y avait marqué placard à balai. Et en fait, non, derrière, tu ouvres, c'est comme les Men in Black. C'est un peu ça. T'as un hangar géant. Tu viens de la bibliothèque, tu sais, t'as un meeting devant toi. Et en fait, le Majestic 12 aussi, on découvre que c'est eux qui fabriquent le virus. Mais non, c'était incroyable. Oh là là, et alors là, je vous dis pas, sur le petit document, il y a au moins 6 ou 7 points d'exclamation. Mais hein, oui. Complot. Et j'ai mis complot avec un point d'exclamation. On décide de s'allier avec les Illuminati, parce qu'en fait, on apprend qu'il y a bien longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais un ancien membre des Illuminati a quitté l'organisation. Et les Illuminati construisaient une machine qui permettait. Alors, ils voulaient pas synthétiser le virus, ils voulaient faire des augmentations, nano-augmentations, mais il se trouve qu'avec cette machine, on pouvait aussi faire un virus. Le mec s'est dit, tiens, il y a un coup à jouer, il est parti avec cette technologie, il était multimilliardaire, il a fondé la grande entreprise, je crois que c'est lui qui est derrière Tesla, je crois que ça s'appelle, non? Ou Amazon, un des deux. Ouais. et là, c'est VersaLife, quand on apprend ça, on a déjà visité les labos, on voyait des aliens, des trucs, ils font plein d'expériences. On commence à vraiment mettre, on a mis plus que le doigt dans la machine, les Illuminati, les aliens, ça commence à brasser très large les trucs conspi. Là, je vais assez vite, je vais pas dans tous les détails, parce qu'il y a pas mal de personnages, pas mal d'endroits, mais voilà, on s'allie avec les Illuminati pour renverser leur ancien membre et le nouveau chef, j'ai déjà oublié son nom, Bob Page, je crois que c'est lui. Ouais, c'est peut-être ça. Et voilà, pour faire la liste, voilà, on a été à Hong Kong, on a été à Paris, on a été dans une base sous-marine, une crypte, des catacombes, une station-service, oui. voilà, plein de péripéties. Il y a une super IA, puisqu'il y a l'IA mystérieuse, il y avait une autre IA mystérieuse, elles ont fusionné pour donner Helios, et nous, on pourra fusionner avec elles. Enfin bref, on a trois fins. On a le choix entre fusionner avec cette IA pour devenir une espèce de maxi-entité. Et d'ailleurs, Bob Page voulait fusionner avec cette IA, mais l'IA nous choisit, nous. Mm-hmm. Donc on a le choix entre ça, on a le choix entre faire péter tout le réseau des communications, ça s'appelle la fin Dark Age. Couper Internet, on débranche le routeur, coupe le Wi-Fi. ou prendre le pouvoir avec les Illuminati. On sent que c'est un peu le status quo, on remplace un méchant par peut-être un peu moins méchant, ou un auto-méchant, ou un méchant un peu différent. Bref, la question c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait du pouvoir? Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on le prend en dictateur bienveillant, ou est-ce qu'on le prend en tant qu'humain avec une organisation un peu shady, comme on dit, un peu malveillante? D'ailleurs, la fin Illuminati, qui fait vraiment totalement écho à l'intro du jeu, où on voit, oui. Je crois que c'est Bob Page avec l'autre, je sais plus comment il s'appelle là, le... quelque chose Simon, je crois. Oh, ouais, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, où il discute devant cette main là qui tient le monde, et du coup il discute, et en fait la cinématique de fin, c'est exactement le même plan, donc on voit vraiment qu'on perpétue le feu, on a lié le feu, on continue truc. C'est les labos de Versalife, du coup, c'est le rez-de-chaussée, et c'est là qu'est synthétisé le virus, a priori. Ouais. Donc on continue, et puis à la fin où on va fusionner avec l'IA, donc on voit qu'il sort, qu'il rentre dans l'espèce de petit cocon comme ça, il fusionne avec l'IA, et ensuite il ressort avec les yeux brillants et en mode je suis Dieu, quoi, puisque globalement c'est ça, puisque on l'a pas trop expliqué, mais ces IA, c'est elles qui sont responsables de la gestion du réseau, de l'administration, tout ça. Elles ont toutes les infos en fait sur tout le monde, puisqu'on est aussi dans un monde où les données sont collectées, etc. On sait qui est tout. Voilà, c'est les gens ont un petit rectangle de plastique dans la poche, tu sais, qui est tout le temps connecté à un réseau. C'est fait photo, on peut prendre des notes dessus. C'est incroyable, incroyable. Et donc il fusionne avec son Alexa. Et puis l'autre fin, on fait tout péter, et on revient à ce qu'on appelle un Dark Age. En gros, c'est à la fin anarchisme, mais démerdez-vous. Vous repartez de zéro, entre guillemets, quoi. Power to the people, un petit power peu. Power to the people, mais bon. m'aime me suivre et plus fort, c'est la loi du talion, quoi. On est reparti. Quelle fin avez-vous choisi, messieurs, pour terminer cette grande aventure? J'ai l'impression qu'on a tous choisi la même, au final. On a tous choisi de fusionner avec l'IA. Je suis un robot, quoi. Ouais, qui est un robot. Moi, en fait, à la base, je voulais choisir la Dark Age, celle qui détruit tout, parce que j'ai probablement un naturel destructeur et j'aime le chaos. Mais je me suis dit, en fait, le problème, c'est que de relancer le chaos, je connais l'humain, je sais qu'il est cyclique, il refait les mêmes erreurs. Du coup, je me suis dit, en fait, la seule façon de rentrer dans une nouvelle ère, c'est de créer un homme fusionné avec une IA. Donc, éventuellement, là, on pourrait aboutir quelque chose de neuf. Ce serait la nouvelle étape pour notre civilisation. En tout cas, c'est ça que je me suis dit. Et ça, c'est la version Hugo adulte, parce que Max et moi, a priori, c'était plutôt genre... moi, j'avais vu Ghost in the Shell et j'étais là, ouais, trop bien, on peut fusionner avec le robot. Voilà. Mais ça, après, moi, ce qui m'avait quand même marqué, c'était que quand même la fin destructrice, même si j'étais pas en faveur de celle-là, je me disais, je comprends. Tu vois, je comprends quand même derrière un peu l'idée, je respecte cette fin-là. Et il y a cette notion, de toute façon, dans le jeu, que il y a des nuances, quoi. C'est pas tout est blanc ou noir, c'est une des intentions qu'ils avaient, on en reparlera plus tard, mais. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Alors, il y a quand même des méchants, il y a quand même des gentils, évidemment, mais entre les deux, il n'y a pas qu'une solution, quoi. C'est qu'ils te montrent chacun. Enfin, en fait, ils ont tous plus ou moins. Alors, il y en a qui ont des ambitions, ils veulent le fric et le pouvoir, mais il y a toujours un fond de oui, c'est comme ça qu'on va pouvoir administrer la société, que ça peut marcher, etc. Enfin, les délires des puissants, j'imagine. Et donc, voilà. En fait, comme on te fait passer de twist en twist, de société secrète en société secrète, tu essaies de voir un petit peu toutes les ramifications de ce truc-là, et tu te rends compte, c'est compliqué, et de toute façon, le pouvoir, est, soit qu'il soit centralisé, soit décentralisé, en fait, quand il est décentralisé, il est quand même un peu centralisé entre les mains des puissants, enfin bref, on vit dans une société. Tout simplement. Oui, exactement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il te pose la question, tu vois, il dit, et toi, à qui est-ce que tu penses que le pouvoir devrait revenir, tu vois, donc il y a quand même, les gens ont pu s'exprimer, ont pu exprimer leur opinion avec les différents choix, et c'est quand même pas tous les jeux qui font ça, quoi. et a fortiori à l'époque, en fait. C'est surtout, oui, ça, surtout le, ça, oui, c'est ça, fait, c'est surtout ça qu'il faut remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, t'avais pas non plus des millions de jeux qui proposaient des fins alternatives avec, a priori, des conséquences aussi marquées. Ouais. Et pas juste une good ending, bad ending. Oui, oui. Sachant qu'en plus, alors, c'est une fin qui se déclenche, en fait, on est dans le dernier niveau, et on connaît, en fait, en discutant avec les différents protagonistes de cette mission, on comprend quelles sont les trois fins qui nous sont offertes, et du coup, il y a une série d'actions spécifiques à faire pour faire le truc. Moi, j'avais plutôt bien aimé ça. Alors, c'est vrai que, bon, quand d'un point de vue, si tu prends du recul, c'est quand même appuyer sur un bouton pour choisir telle fin, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même plus plu que... Je m'attendais, en fait, à être devant un truc avec les trois visages devant moi, tu vois, et dire « je choisis lui », tu vois. Là, j'ai bien aimé quand même le fait qu'on ait une petite série d'actions à faire, qu'on prenne conscience de ce qu'on fait pour aboutir sur la fin qu'on choisit. C'est quelque chose que j'avais plutôt aimé. Mais par contre, c'est pas un jeu, justement, qui va... la fin ne va pas dépendre de tout ce qu'on a fait au cours du jeu, en fait. C'est vraiment à la dernière mission qu'on décide. C'est pas, je trouve ça toujours un peu plus intéressant parce que du coup, tu te dis, bah, si j'ai pas envie de rejouer, c'est pas grave. Tu vois, tu recharges ta sauvegarde, tu regardes l'autre fin, et voilà, tu vois. Ouais. C'est, mine de rien, je pense que c'est ça que j'avais dû faire à l'époque, quoi. Parce que moi, je voulais juste cette histoire de Dia parce que je trouvais ça cool. Tu vois, je pense que, bon, à l'époque, j'avais peut-être le temps, mais quand tu dois te dire, bon, je refais tout le jeu, je fais tous les autres choix, etc., pour avoir une autre fin. Aujourd'hui, on a YouTube. Hein. Moi, j'ai quitté le jeu et après, j'ai fait YouTube. Et voilà, c'était pratique. Voilà. Mais bon, je ne suis pas un vrai gamer, vous le savez. On peut revenir un petit peu sur cet univers, sur cette esthétique cyberpunk, parce que bon, c'est pas un mot qu'on a tant mentionné, alors que vraiment, bah, Deus Ex, c'est vraiment du pur cyberpunk. Donc, il fait nuit, il y a des immeubles, il y a les méga-corporations. Il y a du cuir. J.C. Denton, il a son grand manteau, ses lunettes noires. D'ailleurs, j'aime bien, il y a une Anna Navarre qui se fout un peu de lui. Oui, au début, elle dit, tu portes tes lunettes noires même à l'intérieur, même la nuit, je sais plus quoi. Et c'est assez drôle. Enfin, j'ai bien aimé le fait que le jeu, il ait une sorte de petite dérision. D'ailleurs, l'écriture est pas dégueu du tout. Hein, vraiment, encore aujourd'hui, les dialogues sont pas mal. Ouais. Tous les mails qu'on va pouvoir lire aussi, c'est pas mal écrit. Il y a des bonnes petites vannes, il y a des petites punchlines sympas. Les doublages sont très bons. En plus de ça, juste pour la petite parenthèse technique, il y a leur voix, leur bouche qui bouge. On voit qu'elle s'ouvre quand ils parlent, ce qui techniquement était quand même assez impressionnant pour l'époque. Hein. On voit les personnages, voilà, bon, c'est des chants contre chants, hein. Me faites pas dire mais malgré tout, c'était quand même une petite évolution par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout dans un jeu comme ça, quoi. Et de cyberpunk, alors on a beaucoup parlé de l'esthétique, hein. Là c'est plus pour... C'est plus le folklore, en voilà, fait. Voilà, c'est plus pour la blague, mais ce qu'il y a de très cyberpunk, ça va être notamment la notion de transhumanisme. Comme je disais, moi, il y a un perso que je trouve très touchant, finalement, c'est Gunther, qui est cette espèce de mec difforme, en fait, hein, qui a vraiment des... Comme j'avais dit, c'était la génération d'avant, donc c'était vraiment des augmentations, genre bras en métal, crâne en métal, enfin, c'est un peu il y a du boulon, tu vois, là-dedans. Ouais, tu passes pas à l'aéroport. Hein, c'est pas les nanotechnologies comme nous, on a. Et en fait, il se sent obsolète, complètement obsolète quand il nous voit, parce que, comme dit, on est meilleur et on n'est pas difforme. Et il déteste ça, il le dit, il fait des petites pointes d'ironie, mais il souffre, tu vois, où il dit, bah ouais, je vais traîner mes vieux boulons au QG pendant que toi, tu t'occupes de raser tout le monde. Et de base, il te déteste, en fait, pour ça. Et donc, c'est un ennemi. D'ailleurs, on doit le tuer dans le jeu. Mais il y a un côté un peu, bah voilà, le transhumanisme, c'est aussi ça. C'est un des propos du cyberpunk. De toute façon, c'est de pas proposer juste un futur très illustré, très brillant, où tout le monde va bénéficier de ça. C'est aussi des questions quand même un petit peu plus concrètes du... on se pose la question, ok, le transhumanisme est là, comment est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver progressivement? Qui va en profiter? On n'oublie pas la... Et puis, il y a aussi toute la structure sociétale qui tourne autour des grosses corporations qui vont, du coup, en fait, détiennent le pouvoir, parce que comme c'est des industries qui sont capables de créer les nanotechnologies, les augmentations, etc., leur pouvoir ne fait qu'augmenter et se passe à la place, du coup, des gouvernements. En fait, il y a un truc assez terrifiant qui est de dire, bah, tu vois, on a une société qui est stratifiée, donc on a des gens qui ont déjà beaucoup de pouvoir parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et en fait, là, il y a quelque chose qui va venir toucher à notre corps et qui va créer une différence qui sera pas seulement sur nos comptes en banque, qui sera vraiment dans nos capacités intellectuelles, notre force physique, d'être vraiment des êtres qui sont supérieurs aux autres d'un point de vue même objectif, tu vois, sur la nature. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez terrifiant là-dedans, de se dire que ça y est, enfin, notre race, enfin, d'ailleurs, le dernier épisode, ça s'appelle Mankind Divided ou un truc comme ça, je crois. Et tu te dis, bah voilà, c'est ça, on nous divise d'une manière encore beaucoup plus concrète. Et c'est là qu'était pertinent, en fait, vraiment le cyberpunk. Alors, encore plus dans les années 80, on imaginait peut-être, alors en dehors de tout ce qui va être post-apo et compagnie, il y avait quand même un gros pan de la science-fiction qui était plutôt optimiste. Hein, et le cyberpunk, alors déjà, dans un premier temps, selon moi, il incarne un certain pessimisme envers le capitalisme. Déjà, il y a eu des crises économiques, c'est la fin des Trente Glorieuses, etc. Comme dit, il va poser des questions. Il n'oublie pas la notion de classe sociale et il va se dire, bon, bah, qui va pouvoir profiter de quel type de technologie? Et c'est pour ça qu'il va pas oublier des notions comme le marché noir, où tu vas trouver du matériel peut-être de moins bonne qualité ou qu'on va récupérer sur des cadavres ou quoi, parce qu'il n'oublie pas cette réalité. Et le jeu te le met vraiment en plus en pleine face. Enfin, vraiment, quand tu commences à tomber dans les bidonvilles, là, que tu vois des gens qui sont comme ça, ils sont, tu sais, affectés par cette mort grise, là, donc cette maladie, ils vivent autour de containers qui sont en flammes, il y a des rats, des machins, ils sont cachés entre des rames de métro, des trucs pour pas se faire justement choper par le gouvernement, Lunatco. Je trouve que le jeu, met complètement in your face tous ces motifs-là, vraiment, il a pas du tout peur de montrer les différences entre les richesses, les gens, le peuple, etc. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment très in your face à ce niveau-là. Et sans non plus s'étendre particulièrement dessus, c'est pas une thématique principale du jeu, comme tu dis, il te le montre, mais il t'en parle pas plus que ça. Pour moi, il y avait vraiment le personnage de Gunter, tu vois, qui est au centre de ça, et encore pour vraiment prendre tout le truc, bon, faut l'écouter, faut peut-être lire ses mails et compagnie, mais en dehors de ça, il va pas s'étendre sur le transhumanisme, sur la notion d'obsolescence des corps ou quoi, c'est un perso surtout qui incarne tout ça. Ouais, en fait, ce qui est sympa, c'est que l'univers propose tous ces trucs-là, et c'est, tu vois, nous, on s'en imprègne, parce qu'on voit que c'est présent, et on voit bien les conséquences que ça peut avoir, mais le jeu ne cherche pas, tu vois, à nous mettre ça comme une espèce de morale, ou une ligne de direction, quoi que ce soit. C'est juste le setting, donc l'univers dans lequel ça se passe, voilà, il y a toutes ces règles-là, et ben, vous allez évoluer au milieu de ce truc un peu gris, quoi. Et puis, il y a des dialogues vraiment intéressants, notamment à la fin, déjà avec le petit vieux, là, l'ancien qui est cryogénisé, là, le petit papy qui est maintenu en vie, comme ça, artificiellement, pour que le groupe, donc, les Illuminati, continuent à profiter de ses conseils, en lui faisant croire qu'ils vont leur mettre sur pied quand ils auront la technologie, alors qu'en fait, ils s'en foutent, c'est juste un petit sage comme ça, qui est dans une poubelle, tu vois, ils s'en foutent. Et puis, il y a cette rencontre avec cette IA, là, qui est Morpheus. Il a des petites lunettes rondes, il dit tu veux la pilule rouge, machin. Non, c'est pas ça. Mais qui a un discours qui est super intéressant, notamment sur la religion, où il explique que maintenant, l'homme va le nouveau dieu de l'homme, en fait, c'est ses pères. C'est le fait qu'on est tous, on s'observe tous et on a tous des données les uns sur les autres. Et en fait, que l'homme aura toujours besoin d'un dieu pour le juger, voir sa vertu. Et en fait, maintenant, c'est une espèce d'IA qui pourrait incarner cette espèce d'IA omnisciente qui serait en fait ce dieu qui nous juge et qui nous connaît tous. Comme pourrait l'être le dieu, en tout cas dans la religion chrétienne, etc. Parce que dans le jeu, donc Morpheus, c'est un prototype de Échelon, qui est un programme qui chope les données personnelles, en fait, les mails et tout, qui lit toutes ces infos. Et comme tu le dis, les infos, à partir du moment où elles sont publiques ou que les gens peuvent un peu s'espionner ou se connaître, voilà, ce besoin pour lui, ce besoin de jugement qui était rempli jusque-là par Dieu, par la religion, sera rempli grâce à la technologie cette fois. Ça a permis des trucs qui, moi, je trouve super intéressants et même qui, philosophiquement, nous permettent de réfléchir. Enfin, encore une fois, le jeu ne va pas trop loin là-dedans, mais il égrène plein de petites pistes comme ça de réflexion sur le transhumanisme, sur le besoin de religion et aussi sur les réseaux. Quel effet, en fait, la technologie peut avoir sur sur la condition humaine, comment on vit. Donc, ça, c'est les... En fait, c'est un jeu qui est cyberpunk, qui n'est pas juste, qui reprend pas juste l'esthétique cyberpunk, mais qui va aussi questionner ce qu'il y a dedans et apporter des réflexions philosophiques. Quoi. Et puis, pareil, il n'en parle pas, mais il y a le terrorisme, il te permet de faire passer de l'autre côté de la barrière. Alors bon, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas le premier à faire ça, mais c'est un jeu vidéo qui va réunir un petit peu toutes ces notions-là, toutes ces choses-là, ces notions de perspective. Et ça, c'était une des intentions aussi, où justement, Jesse Denton, c'est un personnage qui est très binaire, il le présente, je crois qu'une formule, c'était un perso fait de noir et blanc qui arrive dans un monde de nuances de gris, tu vois. Et c'est vrai que lui, il a des convictions. Parfois, quand on lui dit des trucs, parfois tu tapes des dialogues politiques avec des serveurs de bar, tu vois, qui parlent un peu de la concentration des pouvoirs et tout. Et parfois, il l'objecte, il dit des trucs assez carrés, genre, lui, c'est le statu... À la base, Jesse Denton, c'est le status quo. Lui, les gouvernements, c'est lui, il a été brainwashed par l'UNESCO bien correctement, tu vois, au début. En même temps, son corps, il appartient au gouvernement. Oui, il y a un peu de ça. Et il a été élevé par une famille un peu dans ce cadre-là. Mais voilà, pour lui, toutes les institutions fonctionnent bien, tout est bien huilé, la machine veut le bien commun. Bon, et puis voilà, il se rend compte qu'en fait, non, il y avait des conspirations, des complots, des choses, et ça lui fait un petit peu questionner tout ça. Et le fait de faire en sorte que ce soit son frangin qui fasse ça, ça marche pas mal, je trouve, pour, pour son perso, de comprendre, tu vois, parce que je pense que si ça avait été un inconnu, ça aurait peut-être pas eu le même impact, en fait. Toute la relation Paul-JC, c'est même, c'est pas, voilà, on n'est pas dans un The Last of Us avec des cinématiques poignantes, quoi que ce soit, mais le fait que ça soit notre frangin, qu'il a le même nom que nous, etc., ben, au bout de quelques heures, tu t'y attaches un petit peu à ce personnage-là. Chez lui, on peut enlever un tableau, on tape un code, il y a un truc qui s'ouvre derrière avec un ordinateur et plein de petites augmentations sur les côtés. D'ailleurs, en plus, j'ai complètement bugué parce que tu sais, j'enlève le tableau, je tape le code et tu sais, je continue à regarder le code et il se passe rien. J'étais là, j'étais ok, du coup, très bien. Et, là, et le problème, c'est que je rappuie sur le code et en fait, ça ferme la porte. Du coup, je me dis putain, mais il se passe vraiment rien. Et en fait, après, j'ai rappuyé encore une fois et après, j'ai fait ok, ça s'ouvre comme ça. Enfin, bref, j'ai un peu débilisé sur ce moment-là. Mais voilà, un jeu qui explore plein de trucs, mais bien sûr, qui n'est pas politique, ça il faut quand même le rappeler aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas un jeu politique, certainement pas. Ah bah non. De toute façon, il n'y en a pas dans les jeux. Enfin, ça n'existe pas. Il y en a un petit peu maintenant, voilà, c'est un petit peu chiant, mais voilà, pas un jeu politique, certainement pas. On troll, évidemment. Évidemment, oui. On est complètement ironique, mais ça permet aussi de casser cette espèce d'image que les jeux politiques auraient commençait à apparaître dans les années 2010-2015. C'est évidemment faux. Il y avait tout un tas d'autres jeux qui remettaient des tonnes de trucs. Dans le délire cyberpunk, si vous avez l'occasion un jour de rejouer à des Crusader, No Remorse, d'ailleurs, il avait bossé dessus en Crusader et Crusader, No Remorse. Il y avait Syndicate, Syndicate Wars. Enfin, voilà. Il y avait des tas de jeux déjà qui soulevaient ce genre de questions. Et Deus Ex, par contre, ce qui était vraiment marquant pour l'époque, c'est qu'il a réussi à mélanger tout ça et à réussir à pas faire en sorte que l'un prenne le pas sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a tout cet univers-là et c'est nous, on pioche un peu ce qu'on a envie d'y piocher. Quand t'as 13 ou 14 ans et que t'as vu Ghost in the Shell, toi, tu veux juste des augmentations pour courir plus vite et tu veux sauter plus haut. Mais voilà, quand tu y joues avec ton regard d'adulte, il y a des textes qui sont assez intéressants. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, j'étais assez bluffé que l'écriture n'allait pas tant vieillir que ça, en fait. Alors d'ailleurs, depuis qu'on doit faire l'épisode, Maxime sur Twitter, il a abonné le compte Game Next Door à 6 citation de Deus Ex. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ouvre le compte Twitter, j'ai un vieux truc de J.C. Denton qui nous sort des trucs philosophiques, quoi. L'homme s'est créé des dieux, machin, il en faut créer des nouveaux, enfin voilà. Vivement, le jour où on parlera de Max Payne comme ça, au moment votre compte, ça va être que des grosses citations comme ça. De jeux comme ça, des bots. Tu peux trouver des écrits, t'entends des journaux, des trucs, et il y en a un qui parle du réchauffement climatique aussi. De toute façon, depuis les années 70, c'est dans le discours scientifique, en fait. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses. On était au courant, c'est juste que ça prenait pas encore le pas sur le débat public comme ça peut l'être aujourd'hui. Mais sachant que de toute façon, le réchauffement climatique, c'est par contre une conspiration, c'est un hoax, ça n'existe pas. Il faut c'est-à-dire que les Illuminati, ça existe. Trop de secondes. Dans Deus Ex 2 peut-être. J'arrête. Deus Ex 2 commence par un attentat en plus, tu vois, donc c'est assez bon. Très bien, je crois qu'on a un peu fait le tour en tout cas autour des thématiques. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, il y a vraiment toute cette création d'univers, et en fait ça nous renvoie un peu à la carrière, au début de carrière de Warren Spector, puisque lui il raconte un peu cette anecdote de cette fameuse partie de Donjons et Dragons qui était narrée par Bruce Sterling, qui est un auteur connu de science-fiction, un des je crois pas, c'est pas comme parce qu'on a parlé de Neuromancer qui est considéré comme étant le bouquin fondateur du cyberpunk écrit par William Gibson, et Bruce Sterling, il a écrit des trucs, mais il est je crois connu pour avoir fait un recueil un peu de nouvelles, alors pas que de lui, mais qui ont donné un peu une ligne éditoriale et a participé à façonner un peu justement le principe de cyberpunk, quoi. Et donc il joue une partie donc qui est narrée, donc c'est le Game Master, c'est ce fameux Bruce, et ça va le marquer parce que c'est une partie qui va durer très très très longtemps. Il va jouer pendant 10 ans, et en fait il se rend compte de cette partie, c'est que c'était pas seulement le Game Master qui racontait l'histoire, c'était aussi les participants qui co-écrivaient toute l'histoire qu'ils allaient vivre ensemble. Il parle de cette notion de shared authorship, donc de co-construction de voilà, récit, co-construction de récit, très bien Maxime, et du coup il va essayer de recréer ça en fait à travers ce, en fait c'est tout ce qui va l'animer même, je pense, pour faire des jeux vidéo, et finalement Deus Ex avec le moment où il va vraiment pouvoir mettre en place ses ambitions et essayer de donner vie à ce projet. Voilà. Et pour lui, le jeu vidéo permet de créer donc des mondes, des endroits vraiment tangibles dans lesquels on se sent vraiment exister et qui vont aussi répondre à nos actions. Du coup, il y a une opportunité par les jeux vidéo de recréer ce feeling de Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les liens entre JDR et jeux vidéo ont toujours été, tu vois, très présents, ouais. Parce qu'il y a cette idée que on a le pouvoir de l'imagination dans le JDR, donc a priori, il n'y a aucune limite, mais le jeu vidéo permet de matérialiser, de recréer ces trucs-là et de nous donner un ersatz de toutes ces possibilités qu'on a. C'est toujours un peu, tu sais, cette espèce de fantasme du jeu de rôle ultime qu'on aurait un jour dans le jeu vidéo qui nous permettrait de faire autant de choses que dans un JDR papier. Clairement, je comprends que c'était ça, en fait, qui le motivait. Il avait envie de le donner aux gens, un univers avec lequel s'amuser, jouer avec, découvrir des trucs, etc. Et du coup, pour qu'une personne puisse vraiment construire un peu sa propre aventure, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans le jeu vidéo? Des choix, en tout cas proposer différentes approches. Je croyais que t'allais dire tuer des gens, mais... Pourquoi pas? Ça fait partie des approches. Avec Deus Ex, vous pouvez tout faire. le marchand d'habits. Vous pouvez tuer des gens, mais aussi. Et on commence, comme on l'a dit, on commence par choisir sa fiche de perso un petit peu. C'est vraiment très jeu de rôle, ça. Ça commence. En apparence, c'est un FPS, comme on a dit, Deus Ex, mais avant, il y a une fiche de perso, il y a des points d'XP à dépenser dans plutôt des armes de poing, plutôt des fusils. Est-ce qu'on va plutôt crocheter des serrures, plutôt les hacker avec. Ça s'appelle des multi-tools. Calculette comme ça que tu mets devant un ordinateur devant un digicode et ça te donne l'accès. C'est l'équivalent d'un crochet, un crochet d'une serrure électronique. Crochet numérique. C'est ça. T'as des capacités à nager, t'as aussi des capacités à hacker les ordinateurs. Plus ou moins furtif. En gros, t'as quand même vraiment toute cette orientation où dès le début, tu vas choisir comment tu commences, comment ton personnage il va déjà être un peu orienté et ça te permet de suggérer un petit peu le type de gameplay que tu vas choisir. On peut même choisir son apparence physique, on peut le préciser, parce que JC Denton, il est sur l'affiche et tout, mais il a, je sais plus, 4 ou 5 physiques différents. Alors, c'est le même modèle, mais il va être roux, noir, albinos aussi. Il y a plusieurs phénotypes, on va dire. Et ça modifie du coup Paul aussi au passage. Oui. C'est ce que tu disais. En tout cas, je sais que si tu mets JC noir, Paul est noir du coup. Je sais pas s'il est albinos, si t'es albinos ou roux, si t'es roux, mais en tout cas, il y a ça. Ouais. Donc, en plus de ses stats, de son apparence, on peut aussi choisir son équipement. En fait, on va nous proposer différentes armes pour choisir un petit peu comment on va arriver sur cette mission-là. Ça a été repris d'ailleurs plus tard dans Human Revolution, le reboot, et ça permet dès le début d'orienter un petit peu son gameplay si on veut une arme plutôt silencieuse, si on veut y aller un peu à la bourrin, etc. Sachant que plus tard, on aura la possibilité de changer. Ça reste du jeu de rôle assez ouvert, c'est-à-dire que si vous faites un choix au début, ça ne va pas forcément conditionner tout le reste de votre partie. Rien ne vous empêche de vous dire « Ah mais le hacking, c'est trop trop bien !» et de monter tout le hacking plus tard, ou de vous dire « Mais le lance-roquette !» ou alors « Oh, je voudrais finalement un shotgun ou quoi que ce soit. » Oui, parce que des armes, tu vas en découvrir, de toute façon, au fil du jeu. Si à un moment, tu tombes sur le fusil à pompe et tu dis « Ouais, ça a l'air pas mal, ce petit truc. » Tu le prends. Il y a aussi quand même un moment où le jeu, il te met en prison. Il t'enlève toutes tes armes. C'est peut-être Half-Life qui leur a donné l'idée, parce que tu as littéralement même situation. Tu te fais capturer, tu te retrouves à poil. Tu sens que le jeu il te rappelle un peu quand même que tu peux faire de l'infiltration dans le jeu. Je me dis que c'est peut-être un petit message aux gens qui étaient peut-être que bourrins, et ils se sont peut-être rendu compte que beaucoup de gens jouaient bourrins. Ils ont dit on va quand même leur rappeler qu'on te file juste un bâton, un crochet, et tu peux quand même t'en sortir quoi. Le truc c'est que moi au début, vraiment quand j'ai lancé le jeu, donc Paul il me propose 3 armes, donc j'ai dit oui, donne-moi l'arbalète qui va pouvoir neutraliser les gens. L'arbalète elle vise déjà super mal, c'est-à-dire que même si tu attends, ça faisait partie de ces jeux-là où on visait, en fait fallait attendre que le réticule se cale bien sur la personne pour pouvoir viser déjà un peu plus précisément, mais même quand même, il peut louper son tir. Donc je tire ma première flèche, je vois la flèche qui passe à côté de la tête du mec, je fais ok super, alors que j'étais vraiment posé et que j'attendais. Et en plus, quand tu leur tires dans la tête, ça les endort pas tout de suite. Ils vont faire un petit, ils vont courir, ils font après ils courent encore, ils courent encore, et après ils s'endorment. Donc ils ont largement le temps en fait d'aller appuyer sur le bouton de l'alarme. Donc en fait, je fais ouais, l'infiltration c'est pas si ouf. Et puis c'est un peu étrange en termes de level design, parce que si vous vous souvenez du niveau Liberty Island, en fait, donc il y a plusieurs soldats, il y a des robots, etc. Ouais. Donc en gros, Et d'un coup, on est dans la zone où il y a les méchants, alors que du coup, ils les voient. Donc, il y a une espèce de dissonance de se dire je vais m'infiltrer. Ils n'ont pas vu tous les gardes qui les ont encerclés. Ouais, c'est un peu étonnant à ce niveau-là. Et voilà, très vite, moi, j'avoue que je suis passé en mode. Moi, je suis comme War Inspector, tu vois. Moi, on me dit infiltrer, je fais ok, mais on peut tuer les gens quand même. Alors, ça, pour le coup, moi, j'étais plutôt infiltration, parce qu'en plus, si tu as suffisamment monté l'infiltration, que tu prends les bonnes améliorations, etc., tu peux quasiment être invisible. Vraiment, les ennemis ne te voient pas du tout. À la fin, oui, tu as les trucs de camouflage, etc. Ah oui, t'as vraiment ces possibilités-là. Te faufiler. Mais au début, c'est pas si évident. C'est vrai que moi, j'ai plutôt fait infiltration, mais létale, du coup, puisque l'arbalète, elle est non létale, mais comme tu dis, ça fout le bordel. Le gars, avant de s'enfuir, il peut te tirer dessus, sonner l'alarme, prévenir ses potes. Enfin, l'arbalète, elle est nulle si tu veux t'infiltrer silencieusement, c'est clair. Et puis surtout, on a un inventaire limité. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'on va devoir vraiment faire des choix et on va devoir s'engager dans ces choix parce qu'on peut pas tout transporter. C'est vraiment pas possible. Surtout à la fin du jeu, quand on commence à avoir des lance-roquettes, la fameuse épée, la saber tooth. C'est dragon tooth. C'est pas la dent de sabre, c'est la dent de dragon. Qui est donc un sabre laser, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on peut vraiment pas tout transporter. En plus, quand tu commences à mettre les casques à oxygène, si t'as tes fameuses lames, là, les petites LAM, c'est les petites trucs explosifs. Là. Ah oui, oui. T'as les bombes EMP, t'as tes petits gadgets. T'as les tools, voilà. t'as les multi-tools. Il y a beaucoup de choses qui traînent comme ça dans ton. Tu peux bien sûr trimballer de la drogue aussi, c'est comment ça s'appelle la dope du coin. Tu peux vraiment pas tout transporter, donc tu vas devoir faire des choix. Il y a une gestion d'inventaire avec des cases typiques de ce qu'on pouvait avoir dans des RPG. Donc le jeu inclut ça aussi et nous force aussi à faire des choix, à nous engager dans ces choix. Il y a aussi une autre façon de nous engager dans les choix, c'est via ces fameuses augmentations que le jeu va nous donner. D'ailleurs, on peut se les installer qu'avec les petits robots médecins, là, c'est eux qui peuvent nous installer les augmentations. Et en fait, on a vraiment le JC Denton en mode le truc de Da Vinci, là, avec toute l'anatomie du personnage, et on va pouvoir mettre des trucs dans sa tête, dans ses yeux, sur sa peau, dans ses jambes, et toutes ces augmentations, ça va être sauter plus haut, courir plus vite, ne pas faire de bruit quand tu marches. Ça va être avoir ta peau qui se régénère, donc régénérer sa vie, être invisible. Il y a une technologie qui permet d'être invisible, qui consomme beaucoup de machin. Allumer la lumière aussi, ça marche pas mal. C'est un jeu qui est très sombre, hein. On passe pas mal de temps. Il fait nuit, de toute façon. Et oui, c'est les cyberpunk, et il fait toujours nuit. Et puis, il y a même un drone aussi qu'on peut avoir dans la tête, qui est du laïèche, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ça marche pas du tout. C'est une bonne idée, mais non, faut pas le faire. Mais c'est des choix définitifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les jambes, les jambes, tu dois choisir entre être discret, c'est-à-dire pouvoir courir et faire pas de bruit ou moins de bruit, et un autre où tu peux courir plus vite et sauter plus haut. Donc c'est deux approches complètement différentes et tu pourras pas avoir les deux. Il faut vraiment choisir entre les deux. Et tu peux pas revenir en arrière non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment tu peux pas te les désinstaller. Il y a pas d'option. Ça c'est marrant parce que dans les jeux modernes maintenant, en général, il y a toujours un petit forgeron spécial qui dit oui, bien sûr, je t'enlève tout à condition que tu me donnes la pierre machin. Et ça y est, tu peux reboot ton personnage. Là, les forgerons s'appellent tous André. Oui, il paraît. C'est obligatoire. C'est... Ils font des chaussures et des forgerons. Ou sinon, tu parlais de l'invisibilité, tu dois choisir entre l'invisibilité contre ou envers, je sais pas quel est l'article, mais pour les humains, ou l'invisibilité pour les robots. Oui, c'est vrai. C'est un choix que tu dois faire. À la fin du jeu, sachant qu'il y a pas mal de mechas à la fin qui se baladent et des cyborgs. Je crois qu'ils sont considérés comme humains, justement, comme moi, j'ai choisi que les humains, je crois. Moi aussi, mais je crois qu'ils ne te voient pas, du coup, les Men in Black qui ont une voix robotique, je crois qu'ils ne te voient pas, mais je ne suis plus sûr. Et puis enfin, le troisième aspect un peu aventure, c'est l'exploration, qui a vraiment une grosse place dans le jeu. En fait, finalement, quand tu regardes de loin, le FPS, c'est plus pour moi une sous-catégorie de l'exploration et de l'aventure, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps en fait à explorer, à se balader. Il y a même des niveaux où il n'y a pas de danger, on va pas se battre. Tout le niveau, en fait, après Liberty Island, dans Lunatico, on se baladait, on papote. Il y a Hell's Kitchen, il y a le marché de Hong Kong. Enfin, il y a plein d'endroits en fait où on va juste devoir papoter avec des gens, découvrir des choses. Donc une grosse partie exploration, et là on va pouvoir explorer avec nos pouvoirs, mais on va aussi pouvoir empiler des caisses qui vont nous permettre de monter plus haut. On va pouvoir fouiller dans des ordinateurs qui nous donnent des mots de passe, qui nous donnent accès à des digicodes et ouvrir certaines portes. On va trouver des clés, on va trouver plein de choses. Bref, il y a aussi une grosse partie fouillette et qui nous permet de circuler dans les niveaux du jeu. Et on peut investir des points d'XP aussi dans les crochets ou dans les multi-tools pour hacker les digicodes, qui fait qu'on a besoin de moins en quantité pour un caisse. Il y a que des pourcentages en fait de base, ça doit être 10 ou 15%, puis ça passe à 20 ou 25. Oui, parce que t'as des, en fait toutes les portes ont des locks plus ou moins forts, et parfois ça te demande il faut 8 crochets pour la machine, tu dis j'ai pas, c'est compliqué de les avoir sur toi, ou ça va être un gros investissement, et si tu as investi plus, t'en auras besoin que de 4, que de 2 si tu augmentes vraiment beaucoup. Et dans certains cas, ça c'est quand même cool, c'est que tu peux avoir la manière bourrine aussi, si c'est des casiers ou certaines portes, parfois tu peux juste tirer une roquette et ça pète la porte et c'est bon. Ça fait partie des choses que ils te le montrent dans le tuto, hein. hein, que tu peux vraiment lancer une grenade et faire péter les portes. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt au cours de ma partie où, quand j'ai vu, tu sais, il y a souvent des petites boîtes transparentes avec du verre, tu sais, des petits casiers comme ça dans lesquels il y a en général une amélioration, une petite clé. Et tu sais, ça coûte beaucoup pour pouvoir de lockpick pour pouvoir les ouvrir. Et en fait, c'est après, je me suis dit, mais tiens, je peux y aller à la roquette et ça casse et je récupère ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que, tu sais, ça fait partie de ces petits trucs de l'immersive sim que le jeu, il te rappelle pas que ça, c'est possible. Et en fait, faut que tu dis, ah, mais oui, en fait, dans ce jeu, bah, c'est vrai qu'il y a des critères de destructabilité et tu peux envoyer une roquette dessus. Et pour revenir un petit peu sur ce côté exploration-aventure, moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, le QG de Lunatco, on y est juste après la mission sur Liberty Island. Et dès le début, il titille ta curiosité. En fait, il y a des ordinateurs, il y a des bureaux fermés. Et il appartient qu'à toi, en fait, de te balader, chercher parfois la clé ou de trouver un crochet pour crocheter la porte, de lire les mails. Alors bon, petit passage, tu peux hacker les ordinateurs des gens pendant qu'ils sont assis à leur bureau, il n'y a aucune réaction. Bon, voilà. C'est, bah, ça fait partie des trucs de l'IA que, voilà, ils n'ont pas forcément peut-être pu implémenter. Il n'y a pas cette notion de... Okay, ouais. Vas-y, hack, pas de problème. C'est ça. Non, et c'est intéressant, tu vois, dès le début, il y a ces choix-là, il y a ces trucs. Est-ce que je veux m'investir un petit peu dans l'univers? Est-ce que je veux tout explorer? Ou est-ce que juste je vais parler au boss, il va me donner ma mission et je me casse? Oui, parce que tu peux vraiment faire cette mission en quelques instants, elle n'est pas particulièrement longue, quoi. À l'extérieur, en plus du QG, t'as le petit, tu sais, une espèce de petit truc avec un satellite dessus, tu peux rentrer dedans, tu peux hacker le truc, ouvrir, enfin il y a plein de petits passages comme ça, et vraiment le QG de Lunatco, ouais, tu peux y passer 20 minutes, une demi-heure ou 5 minutes, quoi. Et la plupart des nouveaux vraiment sont construits de manière non linéaire, c'est des petits niveaux comme ça, semi-ouverts, très interconnectés. On est vraiment sur un level design qui, moi, m'a paru assez moderne, en fait, dans l'approche, et qui va nous permettre, bah, justement, à la fois de profiter de cette pluralité des approches qui est possible. Vraiment, la base, c'est est-ce que je passe par les conduits d'aération, hein. C'est vraiment, les niveaux sont remplis de conduits d'aération qui font parfois qui relient plusieurs niveaux, le premier étage, etc. On va vraiment pouvoir circuler dans ces complexes là via ça, ou alors trouver dans cette petite salle, dans les casiers des mecs, sous le lit d'un Gus, il y a une clé ou un truc comme ça. Donc vraiment, tous les niveaux sont ouverts, et à chaque fois, chaque situation, en fait, lui, l'approche, c'est vraiment cette philosophie de pas faire des puzzles, de faire des problèmes, du coup, qui ont plusieurs manières d'être résolus. Et pour rentrer dans une pièce, en général, il y a toujours deux portes, une fenêtre, tu peux dropper du toit parce que t'es passé par les conduits d'aération. Enfin bref, il y a plein d'options, il y a plein d'options comme ça. Et c'est un level design qui prend en compte la verticalité. Ouais. Il pense vraiment en 3D, ça, c'était un des piliers, une des leçons, en tout cas, dont Inspector parlait. Mais oui, cette notion vraiment de verticalité, de pas juste devant, à gauche, à droite, mais voilà, des conduits d'aération qui montent, ou carrément dans Hong Kong, comme tu le dis, tu peux passer par une fenêtre, passer par le toit. Enfin, ouais, tu peux sauter d'une terrasse à une autre terrasse, il y a plein de trucs quand même. Bon, c'est un des niveaux de toute façon les plus développés à ce niveau-là. Moi, le Kong, ça m'a vraiment impressionné quand j'y ai joué. J'ai fait ah ouais, quand même, parce que c'est un niveau déjà qui est super riche visuellement, c'est trop bien. T'arrives à Hong Kong et tout, ça change d'esthétique. Il y a un marché, il y a un temple, il y a Versa Life là qui est planqué en dessous, il y a une boîte de nuit, enfin, il y a énormément de choses. Il y a des canaux, il y a la partie là de la ville qui est construite sur des canaux avec de l'eau, etc. Enfin, c'est un niveau qui est super riche. En plus, il y a plein de petites quêtes qui vont te demander de faire ci et ça. Chaque quête peut être abordée de manière différente, avec notamment Maggie là, qui est une traîtresse, en fait. Moi, j'ai découvert que j'ai entendu qu'il y avait des gardes de Lunatco qui parlaient derrière comme ça, donc j'ai pu rentrer dans le passage secret, trouver la dent de dragon. Enfin bref, c'était vraiment un niveau que j'ai adoré. En plus, tu vas te lier avec les triades et tout. Enfin bref, c'est un niveau qui est super riche. Pour moi, c'est vraiment une masterclass de ce que Deus Ex veut faire. Je trouve vraiment, si vous voulez voir vraiment la valeur du jeu, vous pouvez aller jusqu'à ce niveau, et je trouve que c'est vraiment le niveau un peu masterclass. Voilà, qu'est-ce que Deus Ex a proposé? Ce niveau-là, pour moi, il résume bien toute la richesse et la profondeur du jeu. Et un truc que je trouve vraiment plaisant, c'est quand t'es arrivé à destination, typiquement Versailles, il faut quand même t'enfoncer dans les trucs, dans le labo et tout. Et comme dit, il y a toujours un conduit d'aération que tu l'avais peut-être raté, tu t'avais un peu cherché, mais il les planque vraiment dans des lieux très sombres. Et quand t'arrives, ouais, tu trouves un conduit d'aération final où tu découvres, en fait, là, il y avait une échelle, je pouvais sauter par là. Et vraiment, d'arriver par un chemin et de repartir par un autre, c'est là que tu te rends compte, en fait, qu'il y a quand même plein d'embranchements, plein de façons de faire. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, tu sais, à Versailles. Half-Life sous la main. Là, il y a une espèce de. Ouais. Normalement, tu ressors. C'est le chemin principal en fait pour accéder. C'est sous la main. Il y a une rampe comme ça qui descend. Mais en fait, moi, je suis rentré par les conduits d'aération et tout. Ouais. J'ai adoré aussi les espèces de ponts. Il y a des petits pontons transparents. Et donc, tu marches dessus. Et en dessous, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un alien qui est sur une table comme ça d'examen. Et j'ai fait OK, là, on commence à vraiment mettre le doigt dans les conspirations. Enfin, bref, c'est vraiment. Et en plus, voilà, c'est niveau Hong Kong. Je trouve que le jeu, là, il bourgeonne vraiment de toutes ces idées. C'était vraiment chouette. Et du coup, bah, je suis reparti par cette grande rampe. Donc, tu sors sous la main comme ça. Tu fais OK, coucou. Alors, bien sûr, il y a les mecs, lance-roquettes, évidemment. Et c'était parti. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Et c'est vraiment un jeu qui propose tout le temps ce truc-là. Peut-être qu'à la fin, ça devient un petit peu. On commence à comprendre. Tu vois, quand tu as commencé à comprendre la philosophie du design, à la fin, le jeu, il cesse de te surprendre. Il va juste mettre des obstacles plus difficiles à passer. Donc, des robots qui tournent autour d'une salle, des trucs comme ça, qui vont te demander d'utiliser des ressources. Parce qu'il y a un côté un peu survie, en fait, de dépenser tes ressources, voilà, tes EMP, tes grenades. Est-ce que j'utilise ça? Ou est-ce que je me dis, j'y garde et j'essaie de trouver plutôt un mot de passe ou quelque chose comme ça? C'est un jeu qui t'offre beaucoup d'alternatives et donc qui te demande toujours de faire des choix. Mais chaque niveau, il y a vraiment toute une richesse de trucs comme ça. Et tu voyages, en plus, tu vois Paris, il y a le manoir à Paris qui est vachement stylé aussi. C'est un jeu qui tout au long, il y a plein de niveaux, il y a des niveaux que j'ai moins aimés, tu vois, genre les catacombes, c'est un peu relou, mais sinon jusqu'au bout il y a des niveaux qui sont intéressants. Non, il y a un truc qui est assez impressionnant aussi, c'est toute cette attention qui est portée à beaucoup de détails, et en fait c'est des détails mais qui participent vraiment à cette notion, comme disait Warren Spector, le pouvoir des jeux vidéo de transporter dans un des univers. On l'avait peut-être déjà évoqué dans un épisode avant, mais c'est aussi un des piliers de l'immersive sim, c'est justement tous ces détails, typiquement hein, dans Deus Ex, il y a des petits trucs genre les interrupteurs qui sont, t'as des interactions, tu peux allumer ou éteindre la lumière, tirer la chasse, le distributeur de boissons, il donne une boisson, ou t'as des chats, t'as des chiens, t'as des blattes, t'as des oiseaux, t'as des poissons, enfin tu sais c'est tout con, t'as des petits aspirateurs robots qui se baladent, des Roomba qui circulent, ouais. et ça participe en fait vraiment à la vie du truc, et au-dessus de ça il y a des choses qui sont moins des détails mais qui participent à une certaine cohérence, un certain entre guillemets réalisme, le fait que les ennemis s'enfuient, enfin ça c'est un des seuls jeux vraiment que je connaisse qui fait ça. Il y a un peu Metro fait un petit peu ça quand même, où les ennemis se rendent parfois t'as à la Halo fin. Halo aussi qui faisait ça, oui, c'est vrai. Quand ouais, tu tuais les chefs, les petits machins, les petits grunts, là, au bout d'un moment, ils faisaient « on se tire !» Et là, de ça que vraiment, tu tires sur un ennemi et il s'enfuit, tu vois, il part en courant, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant, mais qui est cohérent, enfin tu vois, qui est assez vraisemblable, où tu dis oui effectivement le mec il court pour sa vie Et puis il s'enfuit, et s'il trouve des potes ou s'il tombe sur une alarme il va appuyer dessus, enfin du coup tu peux vite te mettre dans la panade, on va dire, si tu l'abats pas tout de suite, quoi. T'as des conversations entre les PNJ que tu peux surprendre quand tu t'infiltres. Dans les micro détails, t'as une différence de vitesse en fonction de l'arme que tu portes. Hein. Quand tu portes le gros lance-roquette, tu es lent. Et c'est tout bête, mais typiquement dans Half-Life, t'as pas du tout ça. Enfin, tu vois, c'est le genre de petites choses. Si quand t'as joué à Half-Life et qu'après tu joues à Deus Ex, tu dis ah c'est marrant. Quand je prends une grosse arme, je suis lent. Effectivement, il y a un truc qui est complètement désuet, c'est la localisation des dégâts qui fait son effet juste quand tu te fais toucher aux jambes. Alors t'es peut-être un peu plus lent et peut-être que tu vises moins bien quand tes bras sont touchés, ça c'est possible, mais typiquement quand tes deux jambes sont KO, tu marches accroupi en fait, t'es tout le temps accroupi. Bon, ok, mais tu sais, en fait, c'est l'époque où tu sens il y avait plein de possibilités, ils disaient, on va faire ci, on va faire ça, t'as un inventaire, enfin pas un inventaire, t'as même un menu, tu vois, un HUD avec plein de trucs, des photos, des logs, tu peux annoter la carte, je m'en suis jamais servi de ma vie, mais pourquoi pas, tu vois, il y a plein de trucs. C'est vrai que c'est un jeu qui donnait beaucoup des cartes assez schématiques, des trucs, donnait une photographie, des trucs comme ça, il y a ce côté un peu agent secret. Encore une fois, on te donne voilà la photo de la meuf que tu dois récupérer. Ça, c'est le schéma grossier, le plan grossier du port ou du bateau ou un truc comme ça. C'est des photos des années 80, alors que t'es en 2050. Et non, c'est vrai que ça a son charme. J'aime bien aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est comment le monde va réagir à nous. Alors, on a tiqué sur le même détail là au début, quand tu peux rentrer dans les toilettes des femmes de Lunatco. Bon, c'est un truc, t'explores tout simplement. Et après, quand tu ressors, t'as une meuf à l'intérieur qui dit vous n'avez pas le droit d'être là. Et après, quand tu vas discuter avec ton boss, il y aura une petite ligne, le jeu pense à te dire ça par contre on n'accepte pas ça à l'UNATCO, vous n'allez pas dans le vestiaire des femmes, ce n'est pas bon pour notre image, ou un truc comme ça. Et en fait le jeu il va plein de fois réagir à des trucs que t'as pas l'impression que c'était scripté, t'as pas l'impression que t'avais rempli vraiment une condition, mais en fait il la prend en compte et il te la rebalance à la tranche. Et ça va être aussi vrai pour tout ce que tu vas faire, les choix un peu plus cruciaux, genre qui c'est que t'as tué, à quel moment, à qui t'as parlé. Et ça va permettre de faire tous les petits micro choix qu'il y a tout au long du jeu. Au début, par exemple, comme on disait, Paul, il veut pas que tu tues beaucoup de gens. Et si t'es non létal à Liberty Island, à c'est Hell's Kitchen, je crois, où t'as la prise d'otage au niveau du métro. Si tu tues personne, bah, il te le fait comprendre. Il est content, il dit que t'as très bien géré la situation et tout. Et à l'inverse, si tu butes tout le monde, alors je sais pas s'il dit des trucs, en tout cas s'il te réprimande, mais t'as par contre Ananava et Gunter qui sont les tueurs sur pattes. Eux, ils disent ouais, bien joué, tu vois, c'est un bon agent, beaucoup d'avenir. C'est bon, il a tué tout le monde. Ouais. Non, et puis après, voilà, tu vas avoir des. Y a aussi vraiment des choix dans l'exploration qui vont donner des conséquences, comme par exemple obtenir la kill phrase. Donc, c'est cette phrase qu'on va pouvoir prononcer et qui va complètement griller le cerveau d'un cyborg, et notamment de Gunter. On peut obtenir sa kill phrase qui est la putain machina ou un truc comme ça. Et voilà, quand tu confrontes à Gunter, bah, tu peux complètement éviter le combat en prononçant juste le mot, et il fait non, bzzz, et pour, il explose comme ça. Par contre, ce qui est un peu dommage avec Gunter, c'est que t'es obligé de remplir une condition assez cruciale, c'est que quand tu pars de l'UNATCO et que tu trahis, t'as le médecin et le responsable des communications qui sont chauds pour te rejoindre, et tu peux leur dire soit vous restez à Hong Kong ou à chacun, vous restez à Hong Kong, vous restez à l'UNATCO ou vous venez à Hong Kong. Et en fait, si tu fais rester le médecin à l'UNATCO, t'as une quête où il va te donner la kill phrase de Gunter. Mais par contre, Anna Navarre, donc que tu pouvais tuer dans l'avion ou que tu peux tuer plus tard dans le métro, bah, si les deux fois tu l'as épargné entre guillemets, tu la retrouves à l'UNATCO, et c'est là en fouillant les mails, là pour le coup c'est vraiment tout le monde peut avoir ça. Le jeu te dit oui, alors dans deux ordis différents, il y a la moitié de la kill phrase, c'est le système de sécurité. Mais moi j'aimais beaucoup parce que t'as une approche du coup non violente possible. C'est-à-dire que des gens qui jouaient que infiltration machin n'avaient pas à se battre contre elle, alors que Gunter, si t'as pas fait cette condition-là, t'es obligé de te battre contre lui. Mais bon, après le jeu, comme on l'a dit, c'est compliqué de faire que de l'infiltration non létale. Oui, et puis à ce moment-là, quand même, contre Gunter, quand tu dois vraiment l'affronter, t'es quand même assez puissant, tu peux le bolosser assez facilement. On l'a dit tout à l'heure, mais en gros, voilà, c'est ça, une des grosses philosophies du jeu, c'est cette phrase qu'il avait là dans la conf de la DDC, où il dit il met pas des gens face à des puzzles, mais face à des problèmes. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que d'un point de vue de design, ça implique qu'en gros, ben, s'il n'y a pas une solution miracle qui va fonctionner à chaque fois, c'est juste voilà la situation, comment vous vous débrouillez face à cette situation. Et donc en gros, il y a une espèce de confiance qui est accordée aux gens qui vont jouer, et débrouillez-vous avec les outils qu'on vous a donnés. C'est un peu ça, quelque part, tu vois, l'immersive sim, et qui différencie ces jeux-là de tous les autres. Et surtout, je trouve que voilà, c'est un jeu, voilà, c'est en 2000, il est moins propre, c'est moins quadrillé que, on peut en parler un petit peu après, mais que par exemple les derniers Deus Ex qui sont sortis, où tout est un peu plus segmenté. On parlait de ces fameux murs qu'on peut péter, tu nous racontais ça, qui sont en surbrillance, donc tu vois les choses, toutes les possibilités d'action en fait sont plus quadrillées, plus il y a une affordance, on va dire, supplémentaire que les designers ont travaillé. Là, t'es un peu plus à tâtons, c'est pas aussi clair. Parfois, tu réussis des trucs, tu te dis c'est passé. Est-ce que le jeu l'avait vraiment prévu? En fait, il y a cette ambiguïté. Il y a des plateformes, il n'y a pas une grosse ligne blanche sur la plateforme. Oui, voilà, je peux sauter à cet endroit-là ou quoi que ce soit. C'est souvent, c'est à toi de tester. Genre, vu que j'ai pris le machin pour sauter plus haut, est-ce que je peux y aller? Je peux y aller, trop bien. Et hop, après, tu testes des trucs, quoi. Et il y a cette ambiguïté en fait constante dans tes possibilités d'action, et qui font que c'est à toi de tester des trucs. Et je trouve que ça donne un flou qui est intéressant dans un jeu où il y a une pluralité d'approches. Ce flou te donne cette espèce de marge de manœuvre un peu bancale qui est pas du design très bien calibré, mais par contre qui te permet d'expérimenter. Et je pense que c'est là, c'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant dans le jeu, et qui fait que même à jouer aujourd'hui, alors j'ai l'impression que ça a été assez difficile pour beaucoup de gens sur le Discord, mais honnêtement, moi c'est vrai que j'en ai pas trop souffert, et justement ce côté un peu bancal et vieillot m'a paru bien cohérent avec tout ça, et je trouve que ça marche bien pour se projeter dans le truc. Ouais, comme tu as dit, ils ont une philosophie assez intéressante sur le côté vous résolvez les problèmes qu'on vous pose de la façon que vous voulez, et du coup même de façon à ce que tu dises est-ce que je triche pas un peu là, mais si ça marche, ça marche. Il y a pas de problème avec ça. On peut mentionner quand même qu'il y a peut-être un outil qu'ils avaient pas forcément prévu, qui est le quick save, quick load, où là clairement ils te vendent un peu le côté comme ça, si tu fais une erreur et que ça alerte les gardes, c'est pas grave, tu peux t'adapter. Mais la réalité des choses, c'est qu'en général tu reviens à la sauvegarde d'avant, tu retentes, ou alors tu fais un choix. Par exemple, le fameux Anna Navarre dans l'avion, tu vois, si elle a balle mec, tu peux dire moi je voulais pas qu'elle le tue, hop tu reviens en arrière et puis tu fais ton truc, ça te plaît pas, hop tu reviens en arrière et tu refais le truc. Je crois que c'est Warren Spector une fois qui avait commenté, quand il a découvert que les gens jouaient comme ça, ça l'a un peu titillé, tu vois. Il a dit j'aimerais bien quand même qu'ils assument il a fait les gros yeux. C'est ça, il est un peu fronché les sourcils. Ah, ça, c'est vraiment, c'est normal, c'est le designer, tu vois, qui fait tout pour qu'il y ait du roleplay, pour que tu t'impliques dans l'expérience. Et là, tu casses un peu son. En fait, ça, c'est la possibilité. Voilà, la quick save, c'est un espèce. Enfin, même quand on parlait. On n'a pas parlé de Dishonored, mais souvent, quand on dit Dishonored, on dit le plus grand pouvoir dans Dishonored, c'est la quick save. C'est ça ton vrai pouvoir, le pire pouvoir. Et c'est pas l'outsider qui t'a donné, c'est les développeurs. Et ouais, forcément, tu peux vraiment subvertir beaucoup le design du jeu avec ce truc-là. Mais bon, ça fait partie. Oui. C'est comme ça, en fait, faut accepter. Il le dit et il le reconnaît, c'est quand tu crées un jeu qui est interactif, il faut accepter que maintenant, une fois qu'il est dans la main des joueurs et joueuses, il t'appartient plus totalement. Ouais, ils jouent comme ils ont envie de jouer, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une optique de vous vous gâchez pas la vie si vous jouez avec ça. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de jouer. C'est vrai que par contre, c'est intéressant des fois, quand vous avez l'occasion de le faire, si vous l'avez jamais fait par manque de temps ou quoi, c'est vrai que des fois, c'est sympa dans certains jeux de se dire bon, bah tant pis, j'assume, tu vois, genre j'ai fait une connerie, je vais le faire et je vais devoir me débrouiller avec ça. C'est comme ça, par exemple, que j'ai joué à Disco Elysium, on en reparlera bientôt, et c'est rigolo parce que du coup des fois ça, tu vas dans des chemins où tu t'attendais pas à aller, parce qu'en général des fois t'as ce réflexe de dire bah je reviens 5 minutes plus tôt, c'est bon, j'ai récupéré le mot de passe, du coup j'ai plus besoin d'utiliser mes lockpick, et hop, comme ça me permet d'en avoir plus pour la prochaine fois. Moi c'est vrai que j'essaie de pas jouer comme ça, parce que en fait je me suis rendu compte quand je jouais à Dishonored que ça me gâchait l'expérience, parce que je voulais en fait quand je rentre dans cette espèce d'engrenage de faire quick save machin, je fais tout parfaitement et du coup je passe 500 ans sur un niveau, et en fait je me dis en fait je m'amuse plus, je suis plus dans l'instant présent et je m'amuse plus quand je joue comme ça. Tu te retrouves avec 20 lockpicks, et t'en trouves encore par terre. C'est ça, c'est pas. Je préfère vraiment Dishonored. Après, je me disais, vas-y, je roule, tant pis s'il y a des morts, c'est pas grave. Et finalement, il y a beaucoup de morts, mais c'est normal, je joue comme ça. Mais au moins, je prends vraiment du plaisir à jouer. Et de toute façon, ça rentre pas complètement contre la philosophie du jeu, puisque finalement, comme dit, leur philosophie, c'est faites le choix que vous avez envie de faire. Parce que de toute façon, et ça, c'est intéressant quand Warren Spector dit, ce qui est intéressant avec les choix, c'est ce que ça dit sur vous, en fait. C'est pas forcément la conséquence. Pour reprendre l'exemple du mec qui est gardé en vie par les Illuminati, à qui on ment, une fois qu'on lui apprend ça, si on décide déjà de lui apprendre ça, il nous demande de le tuer, d'arrêter la machine qui le maintient en vie, et on peut décider de le faire. Et si on le fait, la conséquence, elle est ridicule. C'est juste une ligne de dialogue où le mec des Illuminati dit « Oh, pas cool, t'as tué machin, ça se fait pas. » La prochaine fois, je vous dirai pas où je cache mes petites affaires privées ou un truc comme ça. Bon, allez, monte dans l'hélico. C'est tout, en fait. Donc, en fait, c'est complètement inintéressant d'un point de vue conséquence, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu l'as fait ou pas? Qu'est-ce que t'as décidé de faire? Est-ce que t'as décidé de le laisser en vie ou de le tuer? Pareil avec Anna Navarre, tu vois, quand elle arrive dans l'avion, est-ce que t'as envie d'en savoir plus? Est-ce que t'oses pas bouger? Est-ce que tu t'oses pas désobéir? Ou est-ce que carrément tu la tues? En fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que tu vas te raconter après avec d'autres gens qu'on joue à Deus Ex. Et ça dépend vraiment de son implication en fait émotionnelle. C'est ça qui est sympa, c'est de se dire tu vois, le moment où tu hésites et tu te dis est-ce que tu vas ressentir de l'empathie pour ce petit bonhomme qui est cryogénisé et qu'en fait ils auraient pu ressusciter il y a 80 ans, tu vois, ou un truc comme ça. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la conséquence, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, on a les moyens techniques dans des jeux d'aller plus loin et de nous montrer les conséquences de nos actes. Mais ce petit moment où on doute, où nous, on sait pas encore ce qui se passe après la porte, on sait pas quelle porte prendre et on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est vrai que ça, j'aime bien ce genre de petites sensations, de petites émotions. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire une connerie? Est-ce que je vais le regretter? Et puis, au moment, tu te jettes dans le vide et puis tu feras bien, quoi. Puis ça en vient, finalement, à tes convictions personnelles et très primaires, tu vois. Voilà. Est-ce que, moi, tu vois, quand Anna Naval, dit sort de la chaîne, je m'en occupe, le but, j'ai fait bon ok, tu vois, je suis parti comme ça parce qu'elle m'impressionnait, moi c'est une femme fatale et sniper, j'étais impressionné, et après pour le mec là, le petit vieux, oui, je me suis dit je vais te tuer, voilà, c'est pas normal, tu vois, moi je compte les injustices, et tu vois, c'est comme il le dit, c'est qu'est-ce que ça raconte de toi un petit peu, plutôt les choix, plutôt que ce que tu vas faire. Et finalement, c'est après qu'on en a discuté, moi les choix, je suis toujours un petit peu mitigé dessus, mais au final le choix final, c'est un petit peu ça, c'est qu'est-ce qui raconte de toi, qu'est-ce que dans ce monde là, via la vision, tout ce qu'on t'a proposé, tous les détails, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce qui te semble le plus logique de faire, quoi. Et ce qui est important, c'est que le jeu, il te juge pas. Ouais. Tu peux avoir, comme on l'a dit, éventuellement un personnage, tu as Paul, t'as envie de lui faire plaisir, ou Anna et Gunther, t'as envie de leur faire plaisir, mais c'est à peu près le seul moment où tu peux te dire t'es un peu influencé, mais le jeu te juge pas. Et pour prendre un contre-exemple, c'est Human Revolution, il juge ta façon de jouer. De mémoire, il te donne plus d'XP si tu endors les ennemis, si tu t'infiltres infiltre que si tu les tues. Ouais. Donc clairement, si t'as envie d'avoir tous les builds, les meilleures améliorations et tout, il faut que tu joues silencieusement et que tu assommes les gardes. Donc le jeu t'influence complètement ta façon de jouer. Contrairement à un Deus Ex, si lui te donne de l'XP, c'est juste des triggers quand tu passes une porte, quand t'arrives à un endroit. D'ailleurs, c'est marrant, parfois c'est un peu buggé parce que t'arrives à un endroit et tu chopes le trigger quand tu sors de l'endroit. Tu sens qu'il avait pas mis là, mais qu'il avait mis. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ou juste quand tu remplis ta mission. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que tu chopes de l'XP. T'es pas influencé par les mécaniques. Ou pour prendre un autre exemple, Dishonored par exemple. Alors lui, c'est pas avec de l'XP, mais c'est juste moralement, et c'est leur choix. J'ai aucun souci avec ça. Ils te jugent, tu vois, l'univers du jeu, ils te jugent. T'as clairement une bad ending, une good ending. T'as un personnage à la fin, alors mini spoiler, hein, mais c'est du détail. C'est si t'as vraiment été une machine à tuer, tu sais, t'as le mec en bateau, je crois, c'est Samuel. Il alerte les gardes à la dernière mission. Il tire genre une fusée éclairante, ou il tire un coup de feu en l'air, ce qui alerte les gardes quand t'arrives sur l'île parce qu'il t'aime pas. Le mec, il t'aime pas et il te dit, ouais, voilà, vous êtes vraiment un connard et tout. Et le jeu te juge, alors que dans Deus Ex, il en a rien à faire de. Dans Dishonored, en plus, ça faisait partie de la proposition, ça faisait partie des arguments marketing de dire, voilà, en fonction de vos choix, alors il y a la peste, du coup, parce qu'il y a encore une histoire de peste avec les rats qui vont être dans la rue, partout. Enfin, tu vois, ça tourne un peu autour des mêmes histoires. Et alors que si t'es gentil, c'est propre, les gens, ils ramassent les papiers mais par terre. Mais c'est plus binaire, etc., tu vois. Il y a ce côté, je trouve, plus simplifié du triple A. C'est un peu fable, tu sais. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Alors que dans Deus Ex, on a quelque chose qui est plus. Qui porte plus à réflexion. Puis il n'y a pas vraiment de bonne fin. Enfin, tu sens que tu vas quand même causer des dégâts, quoi qu'il arrive. Et que même ta solution, elle sera probablement pas hyper fonctionnelle, enfin qu'il y aura probablement des problèmes après, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que c'est plus intéressant, ça évoque plus de réflexion que juste maintenant c'est le sanguinaire, oh là là, il y a des rats partout, ou tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu moins, c'est un peu plus intéressant, je trouve, un peu plus subtil que ce qu'ils avaient proposé. Bah, du coup, les choix sont vraiment les tiens, en fait. Y a pas de, comme il n'y a pas vraiment de bon, de mauvais, c'est toi qui décides ce qui est bon, ce qui est mauvais. Après, bon, tu peux quand même dire, comme on a dit, c'est que si tu veux vraiment la jouer non létale, infiltration, t'es pas très bien fourni, tu vois, l'arbalète elle est nulle, contrairement par exemple à un Dishonored où là l'arbalète endort immédiatement, c'est plus simple, tu vois, t'es encouragé quand même par une certaine Dishonored mécanique. C'est un jeu quand même qui a envie que tu t'infiltres quand même, il est un peu plus à la tif, parce que à l'inverse je trouve que les mécaniques de combat dans Dishonored sont moins intéressantes, c'est moins sympa de jouer bourrin dans Dishonored que ça l'est dans Deus Ex. Dishonored c'est plus sympa quand même à jouer à l'infiltration, la plupart des pouvoirs sont quand même globalement là, pour ça, même si il y a des mecs qui font des tricks infernaux. Et là vous soulevez un truc que je trouve vachement intéressant, c'est que ça montre, tu vois, l'impact du design sur la perception qu'on a du jeu. C'est-à-dire que cette idée de, souvent il y a pas mal de designers qui faisaient des erreurs en disant ah oui mais les choix moraux, les machins, les bidules, en fait on a souvent une réflexion très pragmatique par rapport au jeu, c'est-à-dire que si vous me dites vous tuez cet ennemi, vous gagnez 1000 points d'XP, vous ne le tuez pas, vous gagnez 500 points d'XP, une grosse majorité des gens vont le tuer parce qu'il gagne plus d'XP, donc en fait on cherche plutôt une solution à court terme. Et c'est vrai que faut faire attention, si jamais il y a des gens, tu vois, qui font des jeux, qui nous écoutent, de pas, en fait, sans le vouloir, via des notions de chiffres et d'optimisation, pour se rappeler que les gens, ils sont là aussi pour jouer un jeu, et du coup ils vont vouloir spontanément, naturellement, être meilleurs, plus forts, etc. Et qu'en fait tu peux vraiment casser ce genre d'idée dans ton jeu quand tu vas donner trop d'incentives de cette manière là du premier BioShock, hein, où justement en fait ça valait plus le coup, c'était plus optimisé de sauver les petites sœurs que de les tuer. Ouais. Du coup même si t'étais la pire ordure, mais que t'étais là pour optimiser, tu peux dire c'est plus rentable de les voilà. Si t'étais très cynique, tu pouvais réagir comme ça. Voilà. Donc BioShock, non, on va pas revenir sur BioShock. Je crois qu'on a on a dit pas mal de choses. C'est vrai que l'avenir de la série, on peut revenir un petit peu dessus. Donc il y aura Invisible War qui sortira en 2003, qui a eu un succès assez mitigé. Je crois, toi, que Max, tu y as joué genre 2-3 heures. J'ai pas beaucoup de recul dessus. J'ai joué aussi quand j'étais ado, j'avais peut-être 15-16 ans, et j'ai joué quelques heures. Je me souviens juste de un truc, mais ça se trouve c'est même plus une bonne mémoire, mais c'est qu'on me proposait un choix déjà de rejoindre tel camp ou tel camp très tôt dans le jeu, alors que je savais même pas qui c'était, ce que c'était, bref, j'avais trouvé ça mal foutu, j'étais parti. Mais comme dit, j'ai aucun recul dessus, je veux. Ce que je trouve assez rigolo, là j'ouvre une petite parenthèse, c'est que Invisible War, en fait, c'est déjà un jeu qui est un poil plus complet que Human Revolution, qui est sorti des années plus tard. En fait, il y a déjà plus de possibilités, quoi que ce soit. Je pense qu'une des grosses critiques qui a été faite à Invisible War à l'époque, c'est la promiscuité des zones. Les zones sont très petites, elles sont effectivement très denses en termes de niveau, mais le jeu est assez court, du coup ça c'est pas bien. Et surtout c'est vrai que c'est très marqué, les choix sont beaucoup plus marqués quand tu commences à partir dans les délires de je m'améliore avec les machins du marché noir versus les trucs Lego. Ça crée une telle différence que c'est vrai qu'il y a limite un côté un peu fable entre guillemets, avec un côté tu es gentil ou tu es méchant. Donc c'est plus marqué ce genre de choix-là. Il y a moins ce côté gris, liberté, etc. Mais moi j'avais bien aimé l'ambiance. On retrouvait en fait ce délire de Deus Ex. La musique elle était ouf. Et du coup, moi c'est vrai que j'avais kiffé le refaire ce Invisible War à l'époque. Par contre, c'est vrai que c'était beaucoup plus court. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de jeux, tu vois, qui sont un peu dans ce délire-là. En fait, ça qui est marrant, c'est que bah, quand il y a eu le reboot, donc avec Human Revolution, ouais. Conseidos Raymond Real, qui a fait ça en 2011, on l'a dit, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un jeu qui finalement est quand même un peu plus lissé. On voit que c'est un jeu un peu plus moderne, qui est pensé pour arriver sur des consoles aussi. Donc, il y a pas, même s'il y a une gestion de l'inventaire et tout, ils font quand même en sorte qu'il y ait une certaine ergonomie, une certaine flexibilité. Il y a des choses qui sont très bien balisées. Moi, je me souviens d'une des toutes premières missions du Man Revolution où vraiment, c'est, tu vois tout de suite arriver, genre, voici tous les conduits d'adhération, voici toutes les poutres qui passent au-dessus des niveaux. Ouais, c'est limite, t'arrives, il y a une porte, un conduit à côté et un ennemi au milieu. Tu fais, ok, très bien, j'ai ces trois choix devant les yeux et voilà quoi. Par contre, il avait, il a eu quand même, je trouvais, moi, une recherche sur l'esthétique, sur tout ce qu'ils ont tapé, sur leur délire avec la Renaissance et le style visuel et leur fameux filtre jaune, ça je trouvais ça super. Il y avait une identité visuelle assez marquée. Ouais, qui était très marquée, et ils ont également fait pas mal de recherches sur le côté transhumanisme, justement, là, ils essayaient d'intégrer un petit peu plus de réflexion là-dedans. Mais c'est vrai que la série de Deus Ex, finalement, il y a le 1, et par la suite, voilà, ils ont essayé de revivre, on va dire, un petit peu sur leur gloire, mais ça n'a pas marché, quoi. Bah ouais, c'est vraiment des jeux qui n'ont jamais connu un grand succès. Après, il y avait des dans Human Revolution, il y avait ce truc avec les boss qui était, bah, si tu jouais Infiltration, tu te faisais bolosser parce qu'ils n'avaient pas de moyens de les contourner. Ils l'ont rajouté après dans la Director's Cut. Et puis Mankind Divided, je me souviens plus trop les affaires, mais je crois qu'il y avait eu des problèmes d'optimisation, ils tournaient pas bien. Moi, je pouvais pas y jouer sur mon PC, du coup, bah, j'ai pas d'avis sur le jeu. tu vois, je l'ai pas fait, c'est dommage, mais non, je pouvais pas y jouer à l'époque. Toi, je l'ai lancé il y a quelques années, ouais, j'ai joué 2-3 heures et je sais pas, je suis pas rentré dedans, ça m'a pas intéressé. Mais en fait, ce qui est vraiment, moi, ce qui m'avait marqué, en fait, enfin, maintenant que j'ai joué à Deus Ex Premier du Nom, c'est que c'est vraiment ce truc, cette espèce de flou, d'ambiguïté dans le design, dans les possibilités d'action, que je trouve très présent dans le premier. Là, je trouve que dans Human Revolution, comme on dit, c'était beaucoup plus balisé. Et on perdait cette espèce de semi-doute comme ça, qui participe pourtant à la projection dans l'univers, à se dire, j'ai plein de possibilités. Tu perds, tu sais, cette impression d'être malin, d'avoir trouvé. Voilà, exactement. Parce que justement, moi, les murs comme ça à casser, ça, dans Human Revolution, ça m'avait rappelé les Batman, les Arkham. Tu sais, au bout d'un moment, tu peux afficher les murs, les trucs, tu dis, t'as ton petit spray, t'as ton petit spray pour casser les murs et tout. Et je retrouvais ce côté-là où, genre, en fait, c'est juste, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai trigger le truc. Que dans le premier Deus Ex, quand tu tentes quelque chose, tu sais pas si ça va marcher, t'es pas sûr du résultat et tu as envie d'essayer. Et pour ça, c'est quelque chose de très cool et qu'on retrouve beaucoup plus dans un Prey, par exemple. Ouais, Prey, avec notamment les glues que tu peux coller, le fait de pouvoir se transformer avec les objets que tu fais tomber. Enfin, bref. Je pense qu'effectivement, Arkane, de toute façon, on l'a déjà dit, c'est aujourd'hui, c'est les représentants les plus pertinents, on va dire, de cette école. Et même là, avec Deathloop, on sent qu'ils ont encore envie de rester, de toute façon, toujours dans cette expérience, dans cette liberté, dans cette confiance qu'ils laissent aux gens de s'amuser avec un univers. Si là, il y a un côté puzzle sur Deathloop qui a l'air assez différent. Bref, on va pas commencer à faire des prédictions sur les jeux qui ne sont pas sortis. Arkane et puis Deus Ex, qui aujourd'hui, je pense que la licence, elle est vraiment mise au placard. J'imagine. Ouais. C'est rigolo parce qu'elle a toujours cette aura. Enfin, vous savez, pendant des années, il y avait ce mème sur Internet où il y avait cette blague qu'on disait sur les forums, quelqu'un parle de Deus Ex, il y avait quelqu'un qui allait forcément le réinstaller et y rejouer, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a marqué les gens et qui a conservé cette aura-là. Et un des bons exemples de ça, c'est que ce mode dont on avait parlé là sur Discord, moi j'ai joué avec le mode qui s'appelle Révision, c'est vraiment un travail colossal. Ils ont refait toute l'intégralité du jeu, ils ont changé les règles de gameplay. Il y a 3 ou 4 modes de jeu différents. On peut jouer avec les options de base, mais on peut jouer avec des versions complètement modifiées, des armes, de la gestion de l'IA, de la gestion de la difficulté. Enfin, ils ont vraiment travaillé énormément là-dessus. Ils ont refait les musiques, ils ont refait les textures. Donc, c'est un boulot de titan. Et ça permet, en fait, de continuer d'y jouer aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez du mal parce que vous avez écouté l'épisode ou vous vous êtes dit, tiens, je vais essayer Deus Ex, vous pouvez le récupérer gratos. Vous allez vous tapez Deus Ex Révision, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir le jeu de base et vous pouvez l'installer. C'est beaucoup plus simple. Ou attendre un remake ou un remaster. Parce que bon, ça peut arriver ça. C'est pas vrai. Je sais pas, je pense pas. Vraiment, j'y crois pas. Là, pour le coup, je le dis, j'y crois pas une seconde. C'est vrai que ça appartient plus à EA maintenant, donc ils peuvent pas faire de remaster. Ça a jamais appartenu à EA. Ah non, oui, ça a jamais. Oui, non, c'est jamais Eidos, oui, pardon. On voit que Eidos, de toute façon, ils sont partis à autre chose. Les gens de Eidos Montréal, ils sont sur le jeu des Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai que c'est plus tout à fait Deus Ex. C'est pas tout à fait le même délire. Et la licence en elle-même, Deus Ex, j'ai du mal à la voir revenir parce que un des trucs dont on avait parlé dans Prey, c'est que l'immersive sim, c'est un genre qui fascine les gens, vraiment qui fait rêver, qui donne cet espèce de fantasme d'un jeu ultime avec une liberté folle, mais ça ne se vend pas. Ouais. C'est-à-dire que derrière, c'est pas quelque chose qui a réussi à casser le plafond de verre et à devenir des licences ultra fortes. Même les derniers Deus Ex, hein, ils sont pas très très bien vendus. On est sur des 2 millions, 2 millions 5, ce qui est pas beaucoup pour des jeux AAA. C'est pas non plus des gros échecs commerciaux. Tu vois, Dishonored, ça a bien marché. Oui, Dishonored, c'est peut-être celui qui a le plus marché. Probablement. Mais ils ont fait un 2. Hein, et on sait pas à quel point il a marché celui-là, mais on voit quand même que les deux autres projets, ça a l'air de s'éloigner un peu de l'immersive sim. J'ai pas trop vu les news de Deathloop récemment. Moi, spontanément, j'ai pas envie de le mettre dans le même sac, mais peut-être, hein, comme dit, je sais pas, mais clairement, c'est pas les projets les plus rentables pour des éditeurs. Oui, si tu veux te faire de l'argent, bah faut pas financer un immersive sim, hein, clairement, c'est pas forcément le bon filon, quoi. Warren Spector, lui, après Deus Ex, il va travailler sur Mickey, Epic Mickey. Il va changer complètement d'univers. Pas tout de suite, hein, il se passe quelques années. Quand oui, bah il va avoir un petit peu, pas une traversée du désert, mais il va s'éloigner du jeu vidéo. Il a créé aussi son studio. J'ai oublié les détails, parce que c'est vrai que je me suis plus renseigné sur le avant, mais il avait créé Junction Point là. Un studio, et peut-être qu'il faisait un peu de sous-traitance ou il a galéré. C'est dans le bouquin de Jason Schreier, la Press Reset, où il dit qu'il a beaucoup essayé de pitcher des jeux, projets, il a eu des choses qui ont été annulées et tout, donc pendant pas mal d'années en fait c'était une traversée du désert d'un point de vue joueur, mais de son point de vue à lui, il bossait, il cherchait des financements, et puis finalement un jour Disney lui a proposé de bosser sur Mickey, et il se trouve qu'en fait il avait même fait un master, je crois, sur l'animation, les trucs sur les cartoons, enfin bref, c'est un univers qui lui parlait beaucoup. Encore une fois, c'est vrai que quand on est un peu, quand on aime cet univers-là, bosser avec Mickey, il n'y a pas grand-chose de plus gros dans le monde. En termes de puissance, d'aura, de franchise, d'aura. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins fort, Mickey, j'imagine, même si peut-être pour les enfants, ça parle encore. Epic Fortnite, tu vois. Epic Marvel, bon ça existe déjà. Il va faire cet Epic Mickey qui est un jeu de plateforme, mais il y avait quand même, je me souviens, des pouvoirs avec le pinceau magique là justement qui allait pouvoir faire plein de changements. Donc c'était quand même un jeu assez ambitieux. Il y a eu un 2 d'ailleurs. Il y a eu 2 jeux. C'est sorti sur la Wii d'ailleurs. Ouais. Epic Mickey, hein, c'était un jeu sur Wii. Et puis maintenant aujourd'hui, il travaille notamment sur System Shock 3 qui est développé par Otherside Entertainment. C'est publié par Tencent. De nouvelles. Ça fait plus d'un là qu'on n'a pas eu de news. Alors c'est pas forcément mauvais signe, parce que je vois souvent des articles qui disent oh là là, ça n'existe plus. A priori Tencent a pris des parts, je sais pas si c'est des parts minoritaires ou majoritaires, j'ai un doute, je suis en train de réfléchir sur ce sujet là, donc je peux dire des bêtises, mais en gros voilà, ils ont investi pour essayer de financer la suite du projet. Le fait qu'on n'ait pas de news, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ils sont peut-être en train de faire leur prod dans l'encoin, puis un jour ou l'autre on en entendra parler. Après, on l'avait dit, il faut le rappeler, aujourd'hui c'est un vieux monsieur, Warren Spector. C'est un vieux monsieur. Il a 60 et quelques années, des gens de cet âge-là dans l'industrie qui sont sur des gros projets, on peut les compter sur les doigts de 2 ou 3 mains, pas plus. C'est pas rien, mais... Il fait du consulting aujourd'hui, je pense, plus aujourd'hui que des choses comme ça. Il faut se dire que Deus Ex, c'était vraiment c'était l'apogée de sa carrière, parce que c'est un jeu qui a, on l'a peut-être pas dit de cette manière-là, mais qui a vraiment cristallisé, qui a formalisé tout ce qu'on considère aujourd'hui comme un immersive sim. En général, on se dit, on regarde ce qu'a fait Deus Ex et on repart de là. On parle plus forcément d'Underworld ou de System Shock. On a tendance plutôt à revenir à Deus Ex. Ouais. Quand j'y ai joué, honnêtement, ça m'a pas fait moins aimer Dishonored ou près, mais il m'impressionne un tout petit peu moins, tu vois. C'est comme, quand j'ai joué, j'avais joué à Dark Souls 3 et après j'ai fait Dark Souls premier du nom. J'ai fait, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient déjà là, tu vois. J'ai pas encore joué Demon's Souls, donc j'imagine, tu vois. Mais c'est toujours intéressant de revenir aux racines et pas forcément les racines, mais en tout cas un projet qui était aussi abouti. Et vraiment, c'est ça, Deus Ex, c'est pas le pic de l'immersive sim, mais un moment où vraiment elle atteint des sommets auxquels je pense que des gens comme Arkane et etc., ils essaient de côtoyer, de tutoyer ce que Deus Ex a fait. Comme tu dis, quand tu joues à Dishonored, dans mon cas, quand tu as déjà joué à Deus Ex avant, et après, c'est quand j'ai commencé à me pencher un peu plus en détail sur qui a fait, je vois que un des lead designers de Deus Ex, c'était un des co-creative directeurs de Dishonored. Je dis c'est vraiment la même philosophie. Parce que parfois, ça se joue à certaines choses, tu vois, la notion d'infiltration, par exemple, il n'y a pas ça dans Prey, il n'y a pas d'infiltration. Ouais. Dans Bioshock, alors qui est pas tout à fait un immersive sim, qui est très shooter quand même, mais déjà, il y a des choix qui sont faits, alors que Dishonored, comme Deus Ex, il y a vraiment cette notion de tu t'infiltres ou il y a de l'action, tu vas avoir tes pouvoirs ou tes augmentations après le premier niveau pour te faire comprendre que tout est faisable sans, mais avec, tu peux un peu tordre les règles, entre guillemets. Il y a vraiment une philosophie assez, assez proche. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on avait envie de revenir à ce jeu. Alors aussi pour faire plaisir à Maxime, évidemment. Et les gens qui ont donné sur Patreon. Et effectivement, et puis moi aussi, c'était cool. C'est vraiment le genre de jeu, t'es content d'avoir fait parfait de dire voilà, j'y ai joué, j'ai compris, ça y est, c'est acté. Et encore une fois, moi, ça m'a permis de mieux comprendre des jeux que j'aime bien aujourd'hui, les jeux d'arcane. Ça permet de voir un petit peu voilà à quoi ils aspiraient. Et franchement, moi, j'ai pas trouvé que c'était désagréable à jouer, honnêtement. Aujourd'hui, j'ai pas passé un mauvais moment dessus, tu vois. Il y a des petites choses qui, en termes d'ergonomie, sont un peu contre-intuitives. Ouais. Tu sais, on l'a pas mentionné, mais le fait qu'on ait une arme avec les différentes clés, le fait qu'il faut penser. Il y a plein de petites choses. Il y a des petites choses qui sont beaucoup plus simplifiées aujourd'hui sur la gestion des mots de passe, sur la gestion des trucs comme ça. Donc je peux comprendre que ça soit un petit peu complexe. Moi-même, je veux dire, enfin, je l'ai dit, je ne l'ai pas refini là. Je suis allé à peu près à la moitié parce qu'au bout d'un moment, j'étais là, c'est bon, enfin, tu vois, ça vieillit. Même avec le révision, et puis je l'ai fait à l'époque, donc je me souvenais déjà de l'histoire et tout, quoi. Et moi, je l'ai refait et je pensais pas que j'allais le reterminer. Dans ma tête, je m'étais dit, après, ça faisait assez longtemps. Je l'avais quand même refait, je crois, il y a entre 5 et 10 ans, tu vois. Et là, en le refaisant, du coup, je m'étais dit, bon, après Hong Kong, de mémoire, voilà, c'est quand même pas le... Comme dit, Hong Kong, c'est quand même le pic du jeu. Mmh. Et je m'étais dit, bon, après Hong Kong, je vais arrêter quand je veux. Et en fait, je suis allé au bout du jeu, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas eu de sentiment vraiment désagréable. Je l'ai refait avec plaisir. Donc moi, je comprends aussi que des gens, il y en a eu un sur Discord, qui ont dit, bon, j'essaie de le lancer, machin, au bout d'une heure ou deux, j'abandonne. Et je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais je peux quand même encourager à juste essayer une heure ou deux. Déjà, quand tu lances le jeu avec la vieille résolution dégueulasse, ouais, 480 bits, tu fais ah oui pardon excusez-moi, il y a une chance sur deux pour qu'il n'y ait pas le texte, si vous voyez pas le texte, juste le logo, c'est qu'il y a un problème, vous allez avoir des soucis. Donc c'est pour ça, le mode révision, ça vous sauvera la vie très clairement. Mais pour moi, ça fait vraiment partie de ces jeux, je trouve, qui collent bien à l'idée de fin du game, parce que c'est vraiment des jalons, tu sais, dans l'histoire du jeu vidéo. On parle souvent de paysage vidéoludique. Oh là ! Allez, on y va. Quatrième saison. Ça, qu'est-ce que c'est ? Oui, on disait à une époque ça. Ouais. Et pour moi, ça fait partie de ces pierres angulaires. C'est des jeux. C'est pas. Si vous les avez pas fait, vous avez pas le droit de parler de vidéo. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est juste que c'est intéressant, si vous vous intéressez à l'évolution du jeu vidéo, de voir que il y a eu pas mal de choses qui ont. Tu sais, c'est une espèce d'entonnoir à double entrée, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui se sont convergées vers Deus Ex, et depuis Deus Ex, il y a plein de choses qui ont évolué. Et ça, c'est cool pour ça de pouvoir en reparler. Et après, voilà, moi, si je faisais pas fin du game, j'aurais été content d'avoir un fin du game sur Deus Ex, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Et est-ce que tu aurais donné sur Patreon si t'avais eu un Deus Ex sur fin du game? Non, mais bien sûr que moi, je donnerais sur Patreon, je donne à des gens que j'apprécie sur Patreon, parce que c'est comme ça, il faut participer à cette économie de la culture en France, simplement. Voilà, donc déjà, puisque voilà, on a terminé sur Deus Ex, merci énormément de nous avoir écoutés. Vous pouvez donc nous donner sur Patreon après ce gros épisode. On est à quoi? On va être ça va, une petite heure et demie, une grosse heure et demie, on va voir. C'est bien, une bonne reprise. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Voilà, la blacklist, ça continuera, on va le faire un petit peu au fur et à mesure. Oui, ça va être tout au long de l'année, donc vous le savez, en tout il y aura eu 4 jeux, donc on peut les dire, ça, il n'y a pas de souci. Oui, donc Pokémon. Oui, il y a Pokémon, c'est argent et or. Or, argent, ensuite on fera Diablo 3 et on terminera par Mass Effect. Voilà, on sait pas encore, Mass Effect, il faut qu'on en discute, on y réfléchit. Il faut qu'il y ait des gens qui jouent un petit peu au jeu et qui se disent, bon, est-ce que je suis prêt à m'engager à ce point-là? Et on verra aussi peut-être tout au long de la saison pour relancer cette idée de blacklist pour la prochaine. Du coup, l'idée, c'est de faire ça. De jeu, on est en train d'y réfléchir et d'en discuter entre nous, donc pas d'inquiétude, il y aura des jeux. Si vous n'avez pas eu votre jeu de la vie qui était dedans, il y sera probablement pas, mais on peut vous y faire croire. Dans le doute, donné au Patreon. Bon, voilà. La dose de cynisme, là, ces derniers jours ont été difficiles, on va dire. Voilà, on remercie également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Le livre sur la Wii est sorti. Il y a aussi pas mal d'autres bouquins qui sont sortis pendant l'été. On n'était pas présents. On a pris une petite pause, ça faisait du bien, je dois le dire. Le bouquin The Last of Us, c'était il y a longtemps, c'est là. On vient de le faire gagner pour les histoires. Il y a eu Doctor Who. Et puis, j'ai vu d'autres trucs qui commencent à arriver, des trucs comme Matrix, peut-être, des choses comme ça. L'œuvre des Wachowski. Des Wachowski, excusez-moi. Il y a pas mal de choses qui vont arriver chez Third. Et de toute façon, on vous tiendra au courant à chaque épisode, puisque ils sont toujours avec nous. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Préparez vos meilleures cravates, vos meilleures boules de disco. Ouais, voilà, aspirine. Et votre aspirine. On va un autre grand RPG, c'est le programme du prochain fin du game. On se retrouve dans 2 semaines. Salut. Ciao.